Carole a bien voulu venir de l'UTAV, laboratoire de Lyon, qui a des pratiques sur les corpus oraux à la fois assez proches des nôtres et en même temps avec, je pense qu'on va le voir, un certain nombre de différences. Et une façon aussi de stocker les données à sa manière. Peut-être pour dire aussi que, outre qu'elle connaît ici à peu près tout le monde personnellement, Carole, nous travaillons ensemble dans la partie de corpus IR, l'infrastructure de recherche, qui s'occupe des corpus oraux. Je représente ICARS, sauf erreur, plus ou moins. Oui, oui, et puis une forme d'oralité avec les interactions parmi d'autres, mais effectivement, je suis représentante ICARS. Voilà, je représente ICARS. Et je pense que tu vas nous présenter le type de travail que vous faites de fond, sachant que nous avions déposé l'année dernière ensemble, avec aussi nos collègues de Paris 10, enfin de Nanterre, un projet parce que ICAR, nous allons voir, est un des gros corpus de l'oral aujourd'hui en France, et ça nous intéresse un petit peu de voir comment on peut articuler les différentes modalités. Voilà, ben merci pour cette introduction et puis surtout merci OLLL de m'avoir invité. Hein. C'est toujours agréable et c'est toujours une occasion toujours intéressante de parler de données orales. Ces données qu'on essaye tous de défendre avec nos petits points. Et c'est toujours aussi très intéressant d'initier des discussions ensemble. Donc c'est vrai qu'on se connaît depuis fort longtemps, on connaît nos bases de données, on connaît ce qu'on fait. Et là, justement, j'ai essayé d'orienter cette présentation beaucoup plus sur les évolutions d'une banque de données, parce que je pense que c'est un point aussi qu'il faut commencer maintenant à aborder. Je ne dis pas que les banques de données sont derrière nous, on est encore dedans, mais voir un peu comment est-ce qu'on peut continuer à travailler, et je vais vous soumettre un peu ce que moi j'ai pu observer et ce qu'on relève à Lyon. Et peut-être que dans la partie discussion, ça serait intéressant de voir si vous avez fait les mêmes constats que nous et comment... Alors même si SLO 2 donc a une continuité, une diachronie, des éléments assez différents des nôtres, même si quand même on a des éléments communs, et si les questions que l'on se pose aujourd'hui de manière très fondamentale, vous les partagez ou non, si vous les avez résolues, où est-ce qu'on en est les uns et les autres, ce qui est quand même intéressant dans ce type d'échange. Donc aujourd'hui c'est moi qui interviens, mais j'interviens au nom du groupe ICOR, donc qui est l'équipe de recherche du laboratoire ICAR à Lyon. On contribuait activement à CLAPI, je vais donner quand même quelques noms, Michel Bert, Sylvie Bruxelles, Émilie Join de l'équipe médiathèque qui nous a rejoint, que vous connaissez peut-être pas, et Justine Nascar, donc Lorenza Mondada que vous connaissez tous, Christian Plantin, Sandra Teston-Bonnard qui est aussi la directrice de notre laboratoire, et Véronique Traversou. Donc ce que je vais vous présenter, donc c'est, comme je viens de le dire, ce sont les évolutions de cette banque de données. Donc pour présenter les évolutions, il faut quand même un peu présenter la banque de données elle-même, sinon ça serait pas très clair. Donc je vais vous présenter déjà les données et leur enrichissement, parce qu'avant de parler banque de données, il faut avoir des données. Donc tout part de là finalement. Je vais vous présenter les objectifs de la base, les outils et leurs évolutions. Je vais garder quand même un plan, même si je ne suis pas une experte et que je crois que Gabriel est beaucoup plus... a beaucoup plus de connaissances là-dessus, mais pour vous parler quand même des contraintes juridiques et de la manière dont on les résout dans CLAPI. Les projets de recherche donc actuels de CLAPI, les projets passés et puis en cours en ce moment, je pense que c'est quand même intéressant de voir ce qui est fait autour de la banque de données. Donc ça nous amènera à parler, parce que c'est quand même très lié, d'interopérabilité. Je terminerai un peu rapidement avec les orientations, sachant qu'on les aura un petit peu vues tout au long de la présentation de par son sujet. Alors les données. Bon, ça c'est évident, hein, pour faire une banque de données, il faut des données. Il ne faut pas uniquement un corpus, il ne faut pas uniquement quelques informations. On a besoin vraiment de se poser la question avant de se lancer dans une telle entreprise. Est-ce que les données que j'ai sont intéressantes pour la communauté? Est-ce qu'on peut vraiment parler de banque de données et pas uniquement de quelques corpus isolés? Donc à ICAR, on avait donc l'équipe d'ICAR, pardon, c'est l'ex-équipe grecque. Donc ce ICAR vient de la fusion de laboratoires et notamment de l'équipe GRIC. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être ou ont déjà entendu vu ou des publications sous le nom de GRIC. Donc c'est une trentaine d'années d'expertise dans l'étude de l'oral et des interactions avec des noms de chercheurs et de travaux dont vous avez probablement entendu parler, avec les travaux de Bange, les travaux de Goleman, de Cosnier ou de Carbrat-Oracchioni. Plus récemment, donc, les travaux de Christian Plantin, de Véronique Traverso et de Lorenza Mondana. Donc, pour nous, donc, nous disposions d'une archive importante qui était constituée par différents chercheurs. Bon, importante, ça ne veut pas dire grand-chose, donc je vais essayer de l'évaluer. On avait à peu près 600 heures environ de données stockés dans des armoires comme dans beaucoup d'autres laboratoires, hein, sous des formats divers et variés, des enregistrements sonores, des enregistrements audio, mais aussi des vidéos, en particulier avec les travaux de Jacques Cosnier, qui étaient stockés, mais un petit peu comme tout remontait, enfin les premiers enregistrements, en tout cas vidéo, remontaient aux années 80. On avait donc des enregistrements vidéo sous différents supports. On avait aussi des transcriptions sous différentes conventions, puisqu'elles avaient été faites par différents chercheurs et avec différents objectifs. Donc comment est-ce qu'on est passé de ces données aux banques de données ? Le fait d'avoir une trentaine d'années de profondeur permet de parler d'une dimension patrimoniale. La langue a été reconnue en parallèle, la langue orale, comme patrimoine, donc cette dimension pour nous était assurée. Le fait d'avoir une archive importante nous a amené à faire des choix. Nous n'avions pas les moyens de travailler sur ces 600 heures, tout aussi intéressantes soient-elles. Et il a fallu quand même faire des choix, organiser les données, voir ce qu'on retenait, ce qu'on incluait ou non dans la banque de données. On disposait de documents papier, d'enregistrements sonores ou vidéos sous différents supports. On a eu des tâches un petit peu parfois fastidieuses de numérisation, des choix techniques à faire quant à ces supports. Je vais passer un petit peu vite parce qu'il me semble que c'est des choses qui sont déjà un peu plus lointaines. Le problème que nous avions à résoudre aussi concernait les transcriptions. Comme les transcriptions avaient été faites avec différentes conventions et différents objectifs, le problème qu'il nous fallait absolument résoudre était d'intégrer ces différentes conventions. Pour nous, il était hors de question de dire un corpus sera dans CLAPI seulement si ces conventions ont été faites avec tel logiciel ou avec telle convention. Ça nous aurait beaucoup trop restreint et compte tenu de l'archive, ça n'était tout simplement pas possible. Donc on a développé des solutions pour intégrer ces conventions de transcription. Alors la nature des données, ça c'est important, donc nos données sont des interactions sociales variées comme nous les vivons tous. Quand on va, tout à l'heure, quand on a été acheter par exemple des sandwichs, quand on se rencontre, quand on a pris un café, quand chez le médecin, au travail, etc. Donc il s'agit d'interactions sociales comme nous en vivons tous, ça c'est important, hein, qui n'ont pas de caractère exceptionnel. Donc ils sont des situations où on parle vraiment d'usage du français, donc c'est le français tel qu'il est utilisé et tel qu'on pratique tous. Alors on parle de données naturelles, de données écologiques, quel sens on donne à tout ça ? Tout simplement, nous enregistrons les données là où elles se déroulent. C'est-à-dire qu'en fait, les données vont être enregistrées en contexte d'une part, ça peut être un lieu public, ça peut être une salle de réunion, un appartement s'il s'agit d'interactions privées, une salle de classe si on est dans des interactions de classe, un cabinet médical, ou bien à l'extérieur si on fait une visite ou si on filme une scène qui se passe pas forcément dans un lieu fermé. Il n'y a pas d'intervention du chercheur sur le déroulement de ces interactions, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de consignes, on ne va pas demander aux personnes de parler de tel ou tel sujet, s'il s'agit d'une interaction privée, d'exposer des choses, d'expliciter quelque chose. On les laisse mener leur interaction. La seule chose qui peut les perturber, c'est la caméra, puisqu'on va les filmer, si on les filme ou si on les enregistre, on les enregistrera. Mais en aucun cas, le chercheur ne donnera de consignes telles qu'elles soient aux gens. On essaiera de ne pas changer l'organisation des lieux. On ne va pas demander aux gens de se mettre dans une situation différente pour qu'on puisse mieux les filmer. À nous d'adapter le processus d'enregistrement au lieu et à la géographie des lieux. Si les gens ont l'habitude de prendre l'apéritif chez eux dans leur canapé, on les laissera prendre l'apéritif dans leur canapé ou sur une table, etc. Enfin bon, on ne va pas leur imposer de contraintes. Donc c'est dans ce sens qu'on parle de données naturelles. Les seules consignes, ce ne sont pas des consignes, mais on va leur dire « attention, vous avez un micro-cravate et on va leur expliquer le dispositif pour qu'ils comprennent un petit peu comment ça se passe, et c'est tout. Et le chercheur se fait le plus discret possible. Alors il est présent parfois, en particulier quand on filme des scènes où la personne a besoin d'être derrière la caméra, ce qui n'est pas le cas par exemple ici, où là la personne sera physiquement présente, mais on va se faire le plus discret possible. Alors je vais vous donner quelques exemples. Des réunions de travail, des achats dans des commerces, un exemple du sandwich de tout à l'heure, des repas, des réunions dans un cadre associatif, des visites, des consultations médicales, des appels téléphoniques, des conciliations, des situations de classe, on va avoir un exemple tout à l'heure avec des travaux pratiques, ou bien des interactions médiatisées. Donc on a enregistré récemment des interactions où on a une médiatisation, puisqu'on a des personnes qui travaillent dans une offline où elles ont un support informatique, où elles enregistrent une base de données en même temps qu'elles répondent à quelqu'un. On a aussi des interactions médiatisées, puisqu'on a enregistré une situation de chat où on voit le visage des personnes qui sont en train de chatter. Alors, je vous donne quelques exemples et ça sort mieux chez Lukshima. Donc ici, on a, comme je parlais tout à l'heure de corpus plus ancien, on a un corpus qui est enregistré par Jacques Cosnier au début des années 80 dans un bureau de tabac. Donc la caméra est mise un petit peu en hauteur, où on a des échanges donc, dans ce commerce. Ici, une situation dans un cabinet d'architectes, où des architectes sont en train de définir la modification d'un bâtiment. Il s'agit d'un château, je crois, dont on veut faire un centre de séminaire. Ici, une interaction professionnelle, même si celle se déroule dans un appartement. Là, on voit les quatre vues de l'appartement, parce qu'à un moment donné, les personnes vont passer d'une pièce à l'autre. On a trois personnes qui sont en train de travailler. Là, je vous apercevez un peu les dossiers des dossiers c'est des publicitaires en marketing. On a ici une situation de classe. Vous vous rappelez peut-être les blouses blanches, les tétés, les films de partout. Ici, une situation dans un appartement. Trois personnes sont en train de discuter avec deux vues de cet appartement pour pouvoir voir pleinement les personnes. Donc, c'est un exemple de naturalité des données. On ne leur a pas demandé de déplacer la table, ce qui aurait été plus facile pour nous. On a enregistré l'interaction et c'était à nous d'adapter le dispositif. On n'a pas demandé non plus ici aux personnes de ne pas se rendre dans ces places parce que ça aurait été plus pratique pour nous, de ces pièces, pardon. Donc on ne change rien. Et ici une interaction un peu plus récente avec deux jeunes qui sont en train de jouer à un jeu vidéo. Là, ils ont des petites manettes et donc une caméra devant ces deux personnes et derrière une caméra qui filme le jeu. Donc il s'agit de foot, si je dis pas de bêtises. J'ai aussi là ici des données audio, donc avec une interaction médicale, une tournée d'un facteur, une conciliation, une conversation. Je vous propose d'écouter quelques extraits très courts. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, mais je pense que ce sera un bon moyen pour que vous voyez un petit peu le type de données et les problèmes et aussi la manière dont on va pouvoir décrire par la suite ces données. Je pense que c'est important pour la suite. Donc, je vais commencer peut-être par celle-ci. Donc, c'est l'interaction dans le cabinet d'architecte. On va voir si c'est suffisant ou ça. C'est complètement contradictoire avec l'idée justement qu'on va se décoller des murs. Mmh. Moi, je trouvais vachement beau justement, tu vois, le fait d'avoir cette grande pièce, parce que c'est très très impressionnant. On garde en fait le volume tel qu'il est. Nous, on est bien s'implanter au milieu et on ne touche pas au mur. Pourquoi elle veut ça? Tu vas pas supprimer la circulation. Je vais vous montrer un petit peu le type de données, la diversité. Je vais vous montrer ici l'interaction qui concerne les publicitaires dans l'appartement. Alors, deuxième vidéo, LED, elle n'agit pas. Tu vois, enfin, ça me semble. Enfin, c'est moi qui parle, mais ça me semble logique. Donc, le bip désagréable que vous avez entendu, c'est pas une faute, c'est une anonymisation. Parce qu'à un moment donné, on citait un dossier ou une marque et on est obligé d'anonymiser les données. Donc, on parlera un petit peu des contraintes tout à l'heure par rapport à l'éthique et à l'anonymisation. Ici, le bureau de tabac dont j'ai parlé tout à l'heure. Bonjour. 14 centimes. 40 centimes. Très bien. Le TP. Alors, je t'écris. Si vous voulez dire, je crois que c'est mieux de vous écrire. Parce qu'après, je vais pas te toucher. Ton nom, il y a ce qu'on s'est occupé. Putain, mais tranquille, ce truc là, ça. Je vais l'échanger. Voilà, mon anecdote sur la blouse qui est trop petite. Et puis le bip qui vient aussi du nom, parce qu'à un moment donné, le jeune donne son nom, parce que dans le TP, il faut qu'il rentre donc leur devoir. Je vais vous montrer un extrait d'une interaction qui est intéressante aussi pour la suite, qui concerne une tournée de facteurs. Je crois qu'elle était par là, pardon, c'est un peu que j'ai posté tout à l'heure pour le son. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Oui. J'ai vu qu'elle marchait un peu mieux la boîte aux lettres. Vous l'avez un petit peu, non? Même pas? Parce que j'ai ouvert là pour causer un colis, il y a nickel. Mieux qu'avant. C'est peut-être le froid qui l'a un petit peu remis en place. Ok, donc c'est un facteur qui a été suivi pendant l'une de ces tournées. Hein. On a entendu le terme de boîte aux lettres. Une interaction médicale. Je vais vous prévenir, c'est un cabinet dentaire, pardon. Oh, c'est bien les mêmes. Vous voyez, la personne est en train de soigner, hein, vous avez reconnu les bruits très antipathiques du dentiste. Je n'ai pas fait ça pour faire un effet de surprise, j'aurais dû vous prévenir un petit peu avant, pardon, ni pour compte tenu de l'heure ou pour vous réveiller, etc. Mais c'est pour que vous voyez un petit peu ce type d'interaction et les problèmes qu'ils vont pouvoir, enfin, qu'ils vont poser. Puisqu'on a une personne qui est en train de soigner sa patiente, c'est son, la personne est là quand même pour se faire soigner. Elle essaye par tous les moyens de l'interrompre et de discuter avec lui. Donc nous, on va étudier l'interaction au cours de son traitement, donc de cette consultation chez le dentiste. Voilà, donc là il s'agissait donc d'une conciliation pour des problèmes de loyer à payer avec tous les problèmes qu'on peut s'imaginer. Et si enfin une conversation familiale. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée des différentes situations et donc de ce que comprend cette banque de données. Alors maintenant, je parle de l'évolution des données donc, que l'on observe. Alors je ne sais pas si vous êtes dans les mêmes cas que nous, on pourra en discuter par la suite. Donc déjà, ce qui est vraiment évident, c'est qu'on a de plus en plus de données. À savoir qu'aujourd'hui, avec la baisse du prix des caméras, avec peut-être les caméras qu'on peut introduire un peu plus facilement un peu de partout, on se rend compte qu'on a dans nos laboratoires beaucoup de données. On se rend compte qu'on a des enregistrements vidéo avec des procédés de plus en plus élaborés. On ne va pas hésiter à avoir plusieurs vues, à multiplier donc le nombre de caméras, ça revient un petit peu au point 1, mais aussi à ajouter des micro-cravates. On va moins avoir, voire plus avoir du tout de tâches de numérisation, puisque les caméras sont numériques. Par contre, on aura une synchronisation des sources quand on a plusieurs micro-cravates, plusieurs sources différentes. Et on a des fichiers beaucoup plus lourds à traiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, plus de données? Ça veut dire qu'actuellement, si on prend notre situation dans le laboratoire par rapport à ce qu'elle a pu être il y a une dizaine d'années de ça, ou même 5 ans, on a plein d'enregistrements en attente de transcription. Parce que c'est bien beau de recueillir plein de données, mais c'est pas parce qu'on enregistre facilement qu'on transcrit facilement. Donc ça, c'est déjà une évolution importante. La tâche de numérisation, on ne la fait plus, mais la tâche de synchronisation des sources, elle n'est pas si simple que ça à faire. Donc, on a des tâches de plus en plus spécialisées qui font appel aussi à des logiciels un peu plus complexes à utiliser. Le fait d'avoir des fichiers plus lourds, alors on est en 2013, mais on s'est rendu compte que ça pose quand même des problèmes de sauvegarde, de délai de chargement, malgré nos réseaux qui sont de plus en plus performants. C'est pas tout à fait la même chose de télécharger 2 heures d'interaction multivue comparativement à nos enregistrements antérieurs d'une quinzaine de minutes. C'est pas du tout la même chose. Ça nous pose des problèmes aussi pour le streaming des données. Donc très vite, on se rend compte qu'on est amené à avoir plusieurs enregistrements pour une même situation. Un enregistrement complet avec toutes les vues qui va être très très utile si on travaille par exemple en multimodalité. Et puis un enregistrement beaucoup plus léger que l'on va utiliser pour le streaming ou bien en téléchargement si on n'a pas forcément besoin de faire un travail fin sur l'image. Donc ça va nous générer un travail un peu différent au niveau des données. On va aussi proposer des extraits téléchargeables pour que la personne puisse se rendre compte facilement si ces données l'intéressent ou non. Alors l'évolution maintenant des données elles-mêmes enregistrées, on se rend compte qu'on a des nouvelles données dans le sens où on a par exemple beaucoup plus de situations en extérieur, parce qu'aujourd'hui avec les caméras, et en particulier le coût des caméras qui est quand même moins élevé, c'est beaucoup plus facile de filmer, d'avoir une bonne caméra et de filmer des situations en extérieur qu'il y a quelques années. On aura beaucoup moins de problèmes et on sait beaucoup mieux gérer le bruit et la qualité du son. On a plus de participants aussi. On a aussi quelque chose de nouveau. On a de plus en plus d'enregistrements multilingues, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, mais aussi au niveau privé, on se rend compte qu'on a de plus en plus de situations où des gens parlant des langues différentes sont ensemble. Il y a dans plein d'interactions différentes. On a aussi des transcriptions qui sont plus souvent alignées avec le signal, puisque les chercheurs ont utilisé de plus en plus des logiciels d'alignement, ce qui était beaucoup moins le cas, même pas du tout, il y a une trentaine d'années. On a aussi des transcriptions de la multimodalité. On va transcrire une forme de multimodalité ou bien plusieurs. On va transcrire, par exemple, des regards, des gestes, des postures ou les trois. On a de plus en plus ce genre de données. Donc, en termes des enregistrements multilingues, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous? Ça va vouloir dire qu'il va nous falloir gérer plusieurs langues, trouver des ressources pour chacune de ces langues. On se rend compte quand on travaille dans l'oral qu'on a déjà du mal à trouver des ressources pour le français à l'oral, autant on a beaucoup de ressources pour l'écrit. Ça pose problème, donc quand on a plusieurs langues à gérer, on va être confronté à ce genre de situation. Si on travaille sur plusieurs langues, on va avoir parfois des segments qu'on aura du mal à attribuer à une langue plutôt qu'à une autre, qui vont être des mots empruntés d'une langue à l'autre, des mots de contact. Donc on va multiplier les cas de figure sur la langue, en fait, et l'attribution de la langue donc à des productions. Pour les côtés outils, travailler avec plusieurs langues, ce seront de nouveaux critères. Quel affichage va-t-on donner de ces données? Est-ce qu'on va signaler ou non dans quelle langue on travaille? Quelles vont être les exigences d'un utilisateur quand il va visualiser une telle transcription? On a des transcriptions alignées avec le signal avec différents logiciels, c'est bien, mais on sait qu'un utilisateur distant, quand il télécharge quelque chose, ne va pas forcément connaître chacun de ces logiciels. Donc il va falloir toujours penser aussi à délivrer une transcription dans un format qu'il connaît. Parce qu'il ne va pas forcément se plonger dans l'apprentissage d'un logiciel d'alignement complexe pour juste travailler sur une interaction. Alors les transcriptions de la multimodalité, on va avoir des gestions de transcription souvent très très fines. Donc on parle de granularité, mais qui peuvent être partielles. On va transcrire par exemple un phénomène, je ne sais pas, dans l'interaction concernant les architectes, on va transcrire par exemple le pointage dans toute l'interaction, mais uniquement le pointage. Ou bien on va transcrire tous les regards pendant une période un peu courte. Alors qu'est-ce qu'on transcrit? Le regard, la portée du regard, à qui il s'adresse. Entre la portée d'un regard et d'un geste, c'est pas la même forcément. Là, je vais faire un petit échantillon. On a des portées différentes, donc il va falloir gérer un petit peu tout ça, l'adressage, la portée. Alors maintenant, je vais revenir à la gestion de ces données à la banque de données. Donc comment est-ce qu'on fait quand on dispose de telles données pour organiser, pour créer notre banque de données? Donc il faut organiser nos corpus. Organiser les données en corpus, qui pose parfois problème puisque nos corpus donc représentent une unité. Mais qu'est-ce qu'on va choisir? On va créer un corpus par exemple d'apéritifs où on va regrouper tous les apéritifs que l'on peut avoir. Un corpus de réunions professionnelles, on va regrouper des réunions. Ou bien on va s'intéresser à une unité géographique, des réunions qui ont lieu à tel endroit. Ou bien une unité plus thématique, notre session de jeux vidéo. Est-ce qu'on va regrouper plusieurs jeux vidéo différents, etc. Donc on va avoir ce genre de questions à résoudre. Il faudra décrire la situation de l'interaction, et ça c'est vraiment très compliqué. Donc on a des critères simples, comme la date à laquelle une situation s'est déroulée, ça c'est très c'est simple. Le nombre de locuteurs, des informations comme celle-ci qui sont assez faciles à obtenir, et puis des informations beaucoup plus compliquées, et qui vont nous demander, donc on va essayer de décrire avec des descripteurs standards, et puis par moment, on va revenir tout simplement à des champs libres, à des fichiers joints, où le chercheur va pouvoir décrire de manière très détaillée, avec ses mots, le contexte, et va expliciter sa situation interactionnelle, pour qu'un utilisateur à distance, quand il va arriver sur nos données, puisse comprendre ce qui se passe pendant la tournée des facteurs, comment cette interaction se déroule, sans forcément qu'il ait tout de suite l'information, et va pouvoir comprendre tout ce qui se passe dans, par exemple, l'interaction des architectes, où les gens manipulent des documents, transforment un bâtiment existant, où il y a des gens qui se connaissent, donc à l'intérieur des architectes, on a des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, etc. Donc on aura un ensemble de documents annexes qui seront joints. Et la description de cette situation, si on veut vraiment la rendre utilisable à une communauté plus large, va nous demander donc de mettre en place, de décrire, de donner des informations. C'est un travail de description qui est lourd, hein. C'est pas juste annoter, donner des dates, donner une durée, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors la gestion des situations aussi différentes que celles que vous avez pu apercevoir là avec ces extraits va nous poser aussi une question beaucoup plus simple et qu'il faut quand même se poser et résoudre, qui est le problème d'ergonomie. Donc on va, avec la même interface, présenter des corpus qui sont très très différents les uns des autres à un utilisateur. Donc il faut qu'on puisse, avec la même interface, présenter une situation d'un seul locuteur ou de deux locuteurs, par exemple, composé d'un enregistrement et un corpus qui va être composé d'une vingtaine d'enregistrements thématiques, par exemple. Ensuite, le point dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'on héberge aussi des données d'autres laboratoires. Donc on héberge en particulier le fonds Bielefeld qui a été réalisé par Elisabeth Willich, donc à Bielefeld, et qui concerne des échanges d'étudiants allemands et français, donc enregistrés en Allemagne et en France. Alors je vais vous donner quand même quelques chiffres. Alors c'est toujours difficile de donner des chiffres vu qu'ils évoluent, mais c'est quand même intéressant pour avoir un peu une idée des grandeurs. Et du nombre de données dont on parle. Donc on a actuellement 47 corpus dans la base, ce qui représente à peu près 150 heures de données. Et justement, quand tu parlais de l'encours et de l'augmentation du nombre de données, on s'est rendu compte qu'on est actuellement en train d'en saisir 30 nouveaux. Donc on n'a jamais eu un saut un petit peu comme ça aussi important. Donc on a, ça veut dire qu'on a un peu dans nos armoires 30 nouveaux corpus qui ont été recueillis ces 2-3 dernières années maximum et qu'on est en train de documenter, d'enrichir pour les mettre dans la base de données. Donc 47 corpus, ça représente 350 enregistrements, puisqu'un corpus pour nous est composé de plusieurs situations. Et 350 enregistrements représentent 600 transcriptions. Parce que parfois, on aura une seule transcription d'un enregistrement, parfois plusieurs. Parce qu'il s'agisse de transcriptions partielles, ou qu'il s'agisse de transcriptions complètes avec différents logiciels de transcription, ou différents formats. Alors, parmi ces 600 transcriptions, on en a 120 qui sont balisées et alignées en XML, sur lesquelles on va pouvoir faire des requêtes. C'est-à-dire que le contenu de la transcription elle-même a été balisé, et on pourra interroger ces transcriptions. Ça représente 50 heures sur les 150 heures, donc un tiers actuellement. Et on a 23 heures de données qui sont téléchargeables. Bon, ces chiffres évoluent, ils évoluent pas de manière drastique, mais quand même, ils évoluent bien sûr au fur et à mesure de l'alimentation de la base. Donc je vais vous montrer un peu un exemple ici d'interface. Donc on a ici un corpus, le corpus d'architecte qui représente une seule réunion de travail pour transformer donc le château en centre de séminaire. C'est ce qu'on a vu tout l'enregistrement vidéo, on les voit travailler sur des plans. Donc qui ici est décrit. Donc un corpus fait l'objet d'une description, on a une description plus ou moins longue. On a le fichier de présentation dont je parlais tout à l'heure qui permet de donner, s'affranchir un peu des champs prédéfinis, de taille de champ pour donner vraiment une présentation exacte et que nous fournit le responsable du corpus, du corpus. Les responsables, la date de collecte, est-ce qu'il s'agit d'un enregistrement audio ou vidéo, sa durée, sa langue. Et ici, donc, on a un seul enregistrement. Et au niveau de l'enregistrement, on va trouver un descriptif aussi, un genre interactionnel. Donc, pour notre architecte, il s'agit d'une interaction de travail, et plus précisément une réunion de conception. Une présentation des collecteurs, la durée de l'enregistrement, la qualité, on peut jouer un extrait. On a les informations sur les locuteurs eux-mêmes et enfin sur les transcriptions. On a joint ici des documents annexes, donc le plan du bâtiment, pour qu'on puisse comprendre à certains moments les discussions. Et ici des informations sur la transcription avec leur convention. Ici donc la même interface pour décrire la session de jeux vidéo, par exemple, qui est un corpus beaucoup plus récent que nous avons, de 2 enregistrements. Donc un corpus qui regroupe des enregistrements de jeux. Avec ici le premier enregistrement dont on avait vu un petit... Je vous ai peut-être pas joué un extrait, mais dont on avait vu les deux jeunes qui étaient assis, qui étaient en train de jouer. Donc, avec le descriptif toujours de l'enregistrement lui-même, des deux joueurs, la transcription. Et dans le même corpus, une deuxième situation, avec cette fois-ci 4 joueurs dans une autre ville, c'est dans la région lyonnaise. On a nos 4 joueurs, les transcriptions, et où on peut accéder au signal. Donc la banque de données étant une banque de données multimédia, quand on consulte les descripteurs, on permet d'accéder au signal pour pouvoir écouter, pour voir si voir la vidéo, écouter le signal, pour voir si cette situation nous intéresse ou pas, ou intéresse l'utilisateur suivant les travaux et suivant ce qu'il veut faire. Donc là, dans cette session de jeu, on a 4 joueurs, en fait 2 joueurs avec des manettes, et 2 personnes ici qui les conseillent, qui vont intervenir tout au long de l'interaction, donc on les a filmés aussi, et là, l'écran de jeu. Et enfin, je termine avec le corpus du fonds Bielefeld, un des corpus du fonds Bielefeld, qui s'appelle Conversation privée, où là, cette fois-ci, on va avoir 24 enregistrements. Il a été collecté dans les années 84 à 92, et pour une durée complète d'une dizaine d'heures, enfin 11 heures pratiquement, que regroupe ces 24 enregistrements. Donc on peut faire des recherches sur ces données pour identifier, pour trouver tout de suite une situation. On peut rechercher par l'année, par l'auteur, si on cherche les corpus d'un auteur, par genre interactionnel. Donc on a identifié un certain nombre de genres. Donc un corpus peut avoir 2 genres interactionnels. On a des corpus, par exemple, qui sont des interactions de travail, mais qui aussi peuvent correspondre à des interactions privées, parce que dans le cadre du travail, on va avoir un échange privé, par exemple. Des corpus donc audio ou vidéo, on peut choisir la source. C'est vrai que si on travaille sur tout ce qui est multimodal, c'est quand même mieux d'avoir des enregistrements vidéo, la durée, le nombre de locuteurs, et puis une demande que l'on a rajoutée récemment qui concerne le fait qu'un locuteur est natif ou non natif. On a plusieurs personnes qui faisaient des études et des comparaisons en particulier sur des échanges avec des locuteurs natifs ou non. Alors en parallèle de Clapy, on a fait ce qu'on appelle nous un bac à sable, donc un espace de travail qui est un Clapy bis. une banque de données où on regroupe donc c'est une banque de données qui elle est privée, qui fonctionne sur le même principe que l'API, excepté qu'on a des descripteurs beaucoup plus sommaires et on peut faire tourner les mêmes outils sur les corpus en cours de nos chercheurs ou des étudiants. Donc ça leur permet de bénéficier des mêmes outils. Je vais vous parler des outils par la suite sur leurs données, qui sont des données en cours, des données non finalisées, qui ne sont pas en ligne. Alors les objectifs de la plateforme, donc à partir de ces données, de la banque de données que je viens de vous montrer, donc qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec l'API? Donc on a essayé de donner, on avait comme objectif la dimension patrimoniale de ces données orales, les conserver mais aussi les valoriser. On voulait que cette banque de données puisse être un apport dans le domaine de l'analyse de la langue parlée en interaction. Et on voulait bien sûr mettre à disposition des ressources. Et on s'est rendu compte que mettre à disposition des données n'était pas suffisant. Et très très vite, on mettait à disposition aussi d'autres ressources, dont les outils, dont des bases de connaissances dont je vais vous parler, ou des ressources audiovisuelles. Et c'est ainsi qu'on a parlé plutôt de plateforme CLAPI, puisqu'on avait à la fois la banque de données et les outils. Donc la dimension patrimoniale, la conservation, bon, je pense qu'on a tous un peu les mêmes enjeux et qu'on souhaite vraiment conserver ces données qui sont très précieuses. Je vais revenir, donc ça je pense que c'est vraiment clair pour tout le monde, plus sur la partie peut-être valorisation de corpus, enrichissement. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'organiser, de décrire les données, on l'a vu tout à l'heure, c'est un travail qui est quand même long, qui est difficile à faire. Si on veut vraiment que ces données soient utilisables par un utilisateur qui arrive sur la base et qui ne connaît pas les situations dont on parle. Il faut préparer les enregistrements, numériser des documents, synchroniser des sources, préparer le streaming. C'est bien de pouvoir consulter une interaction. On l'a vu avec le jeu tout à l'heure avec les 4 joueurs. Bon, il faut streamer le signal, c'est quand même un petit peu long. On a aussi un travail important de balisage XML des transcriptions, si on veut bâtir des outils sur nos transcriptions. Donc nous, c'est un travail qui est effectué chez nous par la médiathèque de Corpus. Donc c'est plusieurs personnes, une sous-équipe du groupe de recherche qui travaillent là-dessus. Alors, les apports dans le domaine de l'analyse des interactions, donc décrire la langue, on souhaitait donner les moyens d'aider le chercheur à décrire la langue sur la base des usages. Donc, c'est le principe où les savoirs reposent sur les usages que l'on fait de la langue. L'organisation de l'interaction, donc on voulait travailler sur cette organisation sur la base d'un grand corpus qui est finalement la banque de données, qui comprend plusieurs situations. Alors, on est dans un domaine où les gens avaient l'habitude de travailler sur des recherches qualitatives. Et là, avec une banque de données, en utilisant la totalité des situations, on va pouvoir permettre des recherches quantitatives. Et dans un domaine où c'était des recherches qui n'existaient pas vraiment, on va essayer de donner les moyens d'articuler ces recherches, pouvoir passer du qualitatif au quantitatif, se servir du quantitatif, mais retourner au qualitatif. Je vais vous montrer ça un peu tout à l'heure au niveau des outils. On voulait aider le chercheur à constituer des collections, l'aider à vérifier les hypothèses de recherche, mais aussi dans l'idéal, à formuler de nouvelles hypothèses. C'est-à-dire remonter de ces données des informations, apporter vraiment de l'information à partir des données. Alors on s'est rendu compte aussi que si on se lançait dans cette tâche-là, très très vite on était amené à mettre en ligne non pas seulement les données, non pas seulement les outils, mais aussi une méthodologie, expliquer, décrire un petit peu comment on travaille finalement dans le domaine des interactions. Donc on a mis en ligne le site Corinth, qui est en fait une base de connaissances et de ressources dédiées à l'analyse des corpus. Alors, je vais vous faire défiler un petit peu vite, donc vous pouvez, c'est une base complètement ouverte, tout comme CLAPI. Donc, on a essayé de décrire notre méthodologie, donc depuis le recueil des données, à la confection d'un corpus, l'intégration dans une banque de données, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer un corpus, qu'est-ce qu'il faut faire pour diffuser les données, et enfin, des pistes pour tout ce qui concerne l'analyse. Donc, on a défini vraiment, on a essayé de décrire notre méthodologie. Et on a un certain nombre de ressources, alors en particulier que je vous invite à consulter, des ressources où on a mis en ligne par exemple des écoles thématiques, puisque ICAR a organisé, si je ne dis pas de bêtises, 4 écoles thématiques. Mais Olivier, tu devais être présent à la première au moins, si ce n'est deux, tu étais présent à deux des écoles, où vous trouverez des ressources. Normalement, on a laissé des interventions des conférenciers. Qui sont présentes, donc n'hésitez pas à les consulter. On a des ressources aussi sur les logiciels, des comparatifs sur les logiciels d'alignement, sur les logiciels de synchronisation. On a mis en ligne aussi un glossaire, parce que d'un domaine à l'autre, on peut ne pas forcément entendre la même chose par le même terme, donc on a décrit précisément les termes que nous utilisons. Et on a mis en ligne des questions juridiques aussi qui nous étaient posées et les réponses qu'on a pu apporter. Je vais parler d'une autre initiative qui s'est faite en partenariat avec Adonis, où donc Adonis nous a proposé une étude de faisabilité pour devenir centre de ressources en vidéo situé. Donc c'était le centre de ressources Corvis. Pour des raisons de problèmes de financement, ce centre de ressources Corvis, donc on n'a pas continué à travailler avec ce centre de ressources. Peut-être que ce sera repris, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Mais on a eu un financement pour un CDD qui nous a permis de recueillir et donc sur une plateforme web des informations sur l'usage de la vidéo en SHS. Donc ce n'est pas limité à la linguistique. On a cherché à documenter quels usages les laboratoires de recherche en SHS faisaient de la vidéo. Donc on a une enquête qui a été menée auprès d'un nombre important d'unités de SHS. Donc vous pouvez consulter l'enquête, les résultats de l'enquête. Pour voir donc comment la vidéo était perçue, est-ce qu'elle était là pour documenter un travail, comme on fait une photo, je ne sais pas, d'une fouille archéologique, on va faire un film pour documenter des recherches, est-ce qu'au contraire on utilise la vidéo comme vraiment un travail, une base, une source pour la recherche. Donc vous trouverez des informations sur cette enquête, des informations par exemple ici sur les caméras, leurs caractéristiques techniques, sur les approches naturalistes et l'idée élicitée, sur des informations de la bibliographie, des informations aussi concernant l'éthique, caméra, vidéo et éthique. Voilà, le dernier objectif que nous avions était la mise à disposition de ces ressources et de ces corpus d'interaction. Donc on a ouvert la banque de données, alors on a trouvé un moyen pour le faire parce que toutes les données ne pouvaient pas être téléchargeables. Parce que certaines transcriptions avaient des restrictions d'utilisation. Et le moyen que nous avons utilisé pour les rendre accessibles était de travailler à partir des outils d'analyse et de requête qui permettent donc de travailler sur des extraits. Donc extraits du signal, extraits de la transcription, et qui nous permettent à ce jour de rendre 95% des données interrogeables en ligne. C'était le moyen que l'on a trouvé pour ouvrir nos données. Alors je vais vous parler des évolutions de ces objectifs aussi, hein. Donc en fait, on souhaite s'ouvrir à d'autres communautés. On a un travail en cours concernant l'enseignement, et en particulier l'enseignement du français langue étrangère, où on est parti de l'expression d'un besoin d'enseignants qui souhaitent disposer de données réelles, et c'est-à-dire de situations telles qu'elles existent, d'usage donc vraiment de la langue française et du français tel qu'on le parle. Donc nos données les intéressaient. Ils souhaitaient aussi disposer de situations diverses. Donc, on a vu des exemples avec des situations professionnelles, privées, médicales, commerciales, etc. Alors, en termes de méthodologie, donc, on travaille avec eux pour le choix des données. Donc, si côté enseignement et FLE, les gens travaillent souvent avec des niveaux de langue, avec des tâches qu'il faut réaliser. Par exemple, je ne sais pas, la prise de parole. Tel niveau de langue sous-entend que l'on sait prendre la parole dans une langue, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la parole ? Comment est-ce qu'on peut le documenter ? Comment nos données peuvent aider un apprenant à gérer ce genre de situation, à s'approprier la langue, à s'approprier ses usages ? On va choisir aussi la représentation la plus appropriée des données. Nous, en recherche, on a une façon d'utiliser les données. Les apprenants ont peut-être une autre. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, on travaille aussi sur la manière de valider les apports des étudiants. Est-ce que les étudiants qui vont travailler avec ces situations naturelles vont acquérir plus facilement tel ou tel niveau de langue ou telle ou telle catégorie, peut-être que ça leur sera plus facile ou pas de se familiariser avec telle étape de l'apprentissage de la langue. Alors maintenant, je vais vous parler des outils et de leurs évolutions. Je regarde discrètement ma montre, mais c'est bon. Donc, je vais vous parler des outils que l'on a construits donc, autour de ces situations et de ces interactions. Donc, en fait, on n'a pas vraiment un outil magique qui fait tout, bien évidemment, ça serait trop beau. On a plutôt une palette d'outils qui nous permettent d'étudier les interactions et l'oralité. Alors, en fait, on a des outils qu'on pourrait qualifier de classiques, parce qu'on les connaît déjà en linguistique, mais qu'on a adapté à l'oral. Donc ils sont basés, adaptés à l'oral, ça veut dire quoi? Ils sont basés en fait sur la transcription des enregistrements. Donc on se base sur la version écrite entre guillemets de l'enregistrement. Donc on va trouver un concordancier, des co-occurrences, un travail par exemple sur la répétition de segments, donc des applications telles qu'on les trouve à l'écrit. Alors on va voir par la suite en quoi le fait de travailler sur des données orales les rend un peu différents et qu'est-ce que c'est qu'un concordancier multimédia par rapport à un concordancier tel qu'on connaît à l'écrit. On va avoir des outils cette fois-ci complètement orientés caractéristiques de l'oral et non plus lexiques. On va s'intéresser au nombre de locuteurs, On va s'intéresser dans les productions des locuteurs au tour de parole, à la place dans le tour, à la longueur d'un tour. On va s'intéresser au chevauchement, le segment chevauchant ou chevauché, quand une personne parle en même temps qu'une autre. On va s'intéresser aux pauses, à leur durée, qu'est-ce qui se passe avant, après une pause. On va s'intéresser à l'organisation de l'interaction et à l'enchaînement des tours de parole, qu'est-ce qui est dit par un locuteur ou par un autre. Les répétitions, par exemple, répétitions d'un même locuteur, les habituels, je vais en produire pas mal depuis le début, ou bien les répétitions par d'autres locuteurs, qu'est-ce que c'est qu'un horizon, sur quel horizon est-ce qu'on travaille pour parler de répétition. Et puis, on a de la même manière deux familles d'outils, des outils qu'on qualifie, nous, d'automatiques, dans le sens où ils cherchent des récurrences, ils ramènent des chiffres, ils comptent, ils ramènent un petit peu des informations aux chercheurs. Donc, ils essayent d'extraire de nos interactions des informations pour les apporter aux chercheurs. Et puis, en parallèle, un outil de requête qui, lui, fait tout à fait le contraire, dans le sens où c'est le chercheur qui construit lui-même l'objet qu'il recherche. Il va bâtir un petit peu son... C'est un peu l'outil pâte à modeler. Avec sa pâte à modeler, il va définir ce qu'il veut trouver dans nos corpus. Donc pour cela, on a une trentaine de critères. On va avoir des critères sur les corpus eux-mêmes, le genre interactionnel. On veut travailler, mettons, sur des interactions professionnelles. Le nombre de locuteurs. On veut travailler sur des interactions en face à face ou bien en groupe. La nature du signal. Est-ce qu'on veut travailler avec des locuteurs natifs, non natifs? Des critères sur le lexique, c'est-à-dire sur les termes utilisés, une expression. On va construire par exemple une expression avec une distance. On se méfie un petit peu à l'oral, on dit souvent des « e », on a une expression qui est parfois entrecoupée d'autres choses. Il faut garder quand même une certaine vigilance, des critères pas si faciles que ça à déterminer. On va avoir des critères aussi sur cette fois-ci purement basés sur les caractéristiques de l'oral, la place dans le tour, est-ce qu'on travaille sur une suite de tours successifs. Est-ce qu'on travaille autour d'une pause, d'un chevauchement, suivant des tours courts ou longs, etc. Donc je vais vous donner quelques exemples. D'abord un outil très très simple. On prend notre transcription, l'enregistrement dont on a parlé tout à l'heure, qui était celui de nos architectes. Donc c'était une interaction qui durait, je crois, un peu plus d'une heure. On avait, où la personne produisait, 17 000, alors je vous le dis parce que... C'est pas intuitif. On avait 17 000 tokens utilisés. Donc, nous, ce qu'on appelle token, c'est les mots tels qu'ils sont prononcés à l'oral. Ça peut être des E, des O, etc. Tout ce qui est verbal. Donc, 17 650 unités verbales, je vais l'appeler comme ça, mais c'est un petit peu long. Donc, token, ça va un petit peu plus vite. Sur ces 17 000 mots token prononcés, on en a seulement 1685 de différents. Donc, ça montre que dans l'oral et dans ce genre de situation, on a seulement la variété du lexique utilisé. Sachant qu'on a 800 APAX. Donc APAX, ce sont les mots qui sont utilisés une seule fois. Donc ça veut dire qu'en fait, 1600 moins 800, on se retrouve avec 800 mots différents utilisés pendant 1h20. D'accord ? Donc quand on va parler après répétition, ce chiffre, il est quand même important. Bon, peu importe que ce soit 820 ou 810. Et cette notion, elle est quand même importante pour voir qu'à l'oral, on répète beaucoup et on réutilise beaucoup les mêmes termes. Donc ici, on a la liste des mots classés. Bon, on aime bien classer en informatique. Hein, donc on les a classés des plus fréquents ou moins fréquents. On aime bien calculer des pourcentages, regarder si ces mêmes mots sont présents plus ou moins dans le corpus lui-même. On n'en a pas de chance. On a un corpus d'un seul enregistrement, donc on aura la même chose. Mais si on les trouve ou pas et à quelle fréquence dans l'ensemble de la banque de données classée. Et on peut aller voir le détail donc des attestations. Alors, on a profité un peu de cet outil pour penser à des questions que les gens nous avaient remontées. On nous demande de manière récurrente, je pense que vous avez la même chose pour Eslo, quels sont les mots les plus fréquents à l'oral. Donc, on a fait le même travail pour toute la banque de données CLAPI, pour classer donc les mots les plus fréquents. On a classé les 500 premiers mots. Donc, c'était quelque chose qui intéressait les gens. De la même manière, les gens nous demandaient aussi, parfois, on cherche un mot, on ne le trouve pas, on le trouve peu, on s'interroge un peu, et on aimerait savoir un petit peu, à partir d'un mot, ses formes un peu, les formes de ce mot qui peuvent être employées. Donc ici, j'ai pris l'exemple de vivre, qui a testé 40 fois dans CLAPI. On va chercher un peu tout ce qui tourne autour de vivre. Donc ici, on a revivre, survivre, hein, des mots qui contiennent vivre, où on a tout simplement les lemmes et les formes conjuguées de vivre. Et on va afficher donc et permettre aux personnes de visualiser les formes les plus fréquentes à l'oral, les matisées, qui ne sont pas du tout souvent celles de l'écrit. Donc les gens ont parfois du mal à chercher les informations. On a fait ça un petit peu pour les aider. Je parlais maintenant du concordancier. Donc, un concordancier, en général, elle écrit comme à l'oral. On entre un mot et on veut trouver des attestations de ce mot. Donc, ici, un mot très simple. J'ai demandé bonjour dans Clapy. Donc, j'ai 286 attestations de bonjour. J'ai des formes EID. Donc, je vais vous en parler rapidement. On travaille, nous, parfois, en orthographe adaptée pour certaines de nos transcriptions. C'est-à-dire qu'on transcrit le mot tel qu'il est prononcé. Si j'arrive, peut-être tout à l'heure je l'ai fait, j'ai dit jour et pas bonjour, fin au lieu de l'enfin, parce que, on ne dit jamais parce que, ou très rarement à l'oral. On va rapprocher ces mots tels qu'ils sont prononcés du vrai mot complet, de façon à ce que c'est fait bien sûr des recherches sur enfin. On a envie d'attraper aussi bien enfin que sa forme et l'idée fin. Et une personne qui travaille à distance, enfin, qui ne connaît pas forcément nos données, n'aura pas forcément l'idée si on ne lui propose pas de faire des requêtes sur fin. On va proposer des filtres, c'est-à-dire que même si on n'est pas dans des requêtes, enfin, on fait juste une concordance, on va afficher systématiquement s'il s'agit de données dans des corpus audio ou vidéo, on va afficher le nombre de locuteurs, et on va afficher, donc interaction par interaction, le nombre d'attestations que l'on a de bonjour. Donc par exemple ici, on va trouver le plus de bonjour dans l'interaction commerciale du bureau de tabac, où la personne a des interactions très très courtes de gens qui viennent faire des achats. Alors, si je choisis deux des transcriptions, et si j'en ai choisi deux, par exemple, concernant bonjour, je vais afficher donc les transcriptions, et voilà le résultat que j'obtiens. Donc ici, un corpus, donc c'est une interaction de plan de Lyon, donc d'une étudiante qui cherche un plan de Lyon dans le corpus Bielefeld. On va retrouver l'attestation de ce bonjour. Donc le résultat de notre concordancier, ce ne sont pas les résultats de l'écrit. En général, les concordances sont présentées, on voit le mot à l'écrit, dans la presse par exemple, ou Le Monde, etc. Et on voit son contexte de gauche et droit. Pour nous, c'est un petit peu difficile parce qu'on est dans une interaction où plusieurs locuteurs interviennent. Et si ici, on devait mettre les mots juste à côté de bonjour qui précèdent et qui suivent tout locuteur confondu, ça nous donnerait quelque chose de complètement illisible. On aurait merci monsieur, au revoir, je vous en prie, bonjour. C'est un petit peu particulier, bonjour, ça serait possible pour laquelle, etc. Donc nous, on a choisi quand même l'affichage de l'échange avec donc le locuteur, avec la transcription, donc le locuteur et les échanges qui ont lieu. Donc dans nos transcriptions, on transcrit le verbal, vous le voyez ici, on transcrit les pauses, on transcrit aussi le chevauchement, c'est-à-dire que la personne ici a produit bon pendant que l'autre produisait eux. On transcrit aussi certains autres signes et donc on va retrouver toutes ces informations dans la transcription avec une légende qui nous permet de voir plus clair. On pourra retourner au corpus et à ses descripteurs, si on veut comprendre qui est d'or, qui est CO1, avoir des informations par exemple sur les locuteurs. On pourra savoir à quel passage de l'interaction ce bonjour est arrivé, enfin a été produit. On pourra jouer 20 secondes ou 40 secondes de l'extrait. Donc 20 secondes juste pour s'assurer parfois s'il est bien audible, s'il nous intéresse ou pas, et 40 secondes sur quelque chose de plus long. Quand l'enregistrement est téléchargeable, on peut le télécharger les transcriptions sous leurs différents formats. Si on ne connaît pas donc CLAN, qui est le logiciel qui a permis de faire... Donc on a une transcription alignée sous CLAN ici, donc une transcription Word, on ira télécharger celle qui nous convient le plus. On peut télécharger la convention de transcription ou imprimer le résultat. Donc ici, un exemple avec un bonjour, toujours le même bonjour pour l'interaction commerciale du bureau de tabac, où on va jouer par exemple la vidéo. Alors ici, je vous donne un autre exemple, c'est pas bonjour, c'est une requête qui a été faite sur bon, mais avec une convention de transcription différente, où la personne, l'utilisateur qui travaille par exemple sur le terme bon, va peut-être pas tellement comprendre ce que signifie cette suite ici de petits points. On va se dire, d'accord, ce que c'est que ça. On a une légende donc, qui nous permet de voir que ces petits points là en bleu représentent des pauses. Donc comme on a des données avec des transcriptions différentes, on va pouvoir afficher donc une mini convention ici, pour préciser que ce qui est affiché là est une pause, pour rendre toujours nos données plus explicites. Alors les co-occurrences maintenant, donc des co-occurrences, c'est ce qui se passe donc à gauche, on essaye de rechercher les mots les plus fréquents à gauche d'un mot cherché ou à droite. Ici j'ai pris le mot quoi, donc avec ce qui se passe avec ici un c'est quoi, en est quoi, ou bien il est quoi, une forme orale où on va utiliser quoi, le pas quoi, etc. Et ici le contexte droit. Donc on fait du quantitatif, c'est-à-dire que ça nous permet de voir assez rapidement que le voisin gauche le plus fréquent de quoi est le mot est, avec c'est quoi en majorité avec 102 attestations, mais on peut voir aussi le détail. Et si on fait voir, on va retomber sur le concordancé que je viens de vous montrer. Donc il y a l'articulation entre ce qui est quantitatif quand même, mais aussi qualitatif, on retourne au détail des attestations. Et de la même manière que l'on travaille sur le lexique, on travaille aussi sur les spécificités de l'oral. Donc ici, une autre concurrence qui est une concurrence d'un phénomène. On va s'intéresser au chevauchement de type chevauchant et on veut savoir ce qui est utilisé avant et enfin dans un chevauchement et avant le chevauchement. Donc on va avoir les concurrences, c'est-à-dire qu'ici j'ai un oui en début de segment chevauchant. C'est-à-dire quelqu'un est en train de parler, quelqu'un va parler pendant qu'il parle. On va afficher donc les mots les plus que l'on retrouve le plus fréquemment en début de segment chevauchant. Idem ici pour avant le segment. Et ce qu'on a pu observer, par exemple, c'était que les mots les plus fréquents étaient des oui, des ouais, des non, des ça, je, on, etc. Et une fois sur cinq, des particules. Alors, on n'est pas, encastré dans le quantitatif. On n'utilise pas les statistiques de manière drastique pour tout. Mais c'est quand même intéressant par moment quand on dit on trouve souvent ou très fréquemment, ce genre de terme, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire souvent ou très fréquemment. Là, on a les moyens de manière assez facile de chiffrer que, bon, une fois sur cinq, ça parle quand même un petit peu plus que de dire on a souvent une particule en début de segment chevauchant. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que dans X% exact, on va avoir ça, mais quand même, c'est quand même intéressant d'avoir des informations quantitatives. Donc le troisième outil classique dont on a parlé tout à l'heure, c'était les répétitions. Alors, les répétitions à l'oral, c'est pas si classique que ça, parce que c'est une répétition. Est-ce qu'il s'agit de la répétition d'un même locuteur, le je vois, etc. Est-ce que c'est la répétition par un autre locuteur? Donc on a déjà été obligé de dédoubler un peu cette notion. Donc on parle, nous, d'auto-répétition, quand c'est le même locuteur qui répète quelque chose dans son tour de parole. Ou bien d'hétéro-répétition, quand c'est soit le même locuteur qui se répète un petit peu plus tard dans l'interaction, ou bien qui reprend ce que quelqu'un d'autre a dit. Donc là, en fait, sur cette interaction, c'était aussi une interaction donc, du corpus Bielefeld, on se rend compte que dans deux tiers des cas, on a des auto-répétitions par le même locuteur dans le même tour, mais dans un tiers des cas, on a quand même des hétéro-répétitions. Et on va détailler, donc, qu'est-ce qu'on répète? Est-ce que c'est un seul mot répété, le EE? Est-ce que c'est un segment un petit peu plus long, de deux mots, de trois mots, de quatre mots? Donc, on se rend compte très vite qu'avec un outil qui peut être simple quand même, une répétition, c'est quelque chose qui paraît pas très très compliqué, on arrive quand même à un certain nombre de chiffres déjà. Et on fournit à l'utilisateur quand même un certain nombre de données qui sont pas toujours faciles à intégrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on affiche? Qu'est-ce qui est intéressant dans ces répétitions? De connaître le segment qui est répété, de connaître qui a répété parmi les locuteurs. Donc, on a choisi cet affichage-là qui nous permet donc d'afficher qui a répété et de rapprocher aussi le nombre de répétitions, du vocabulaire produit par un locuteur. Parce que c'est quand même intéressant de savoir si un locuteur qui répète beaucoup parle aussi beaucoup ou est-ce qu'il surutilise la ressource répétition alors qu'en fait il parle pas tant que ça. Donc ça nous a paru très vite, c'est ça, on met un petit peu le doigt dans quelque chose de simple et on se rend compte qu'on a besoin finalement de beaucoup de choses et beaucoup de données nous intéressent, mais on arrive à un tableau qui devient vite un petit peu plus compliqué. On a plus de chiffres, plus d'informations affichées. Après, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir si dans l'interaction on a des épisodes où il y a par exemple pas mal de répétitions. Donc on va afficher ces répétitions dans l'interaction, dans la transcription complète. Et en rouge, là, ce sont les mots répétés, hein, le très très bien, le de dire, non, non, là, là, et oui. Et puis le oui qui est répété cette fois-ci par un autre locuteur. Donc pour voir s'il se dégage des épisodes, parce que ça veut peut-être dire quelque chose si à un moment donné, tout le monde répète. Peut-être qu'il se passe quelque chose de particulier, c'est une information qui nous semble intéressante à remonter au chercheur. Alors maintenant, je vais vous parler des outils automatiques. Donc on a un outil qui s'appelle Très Contextuel, donc en fait qui essaye de remonter un petit peu s'il se dégage des usages un peu dans mot, s'il se dégage des caractéristiques dans l'utilisation d'un mot. On a ici par exemple un mot qui à l'oral est très très fréquent, que je vais illustrer tout à l'heure, qui est le mot « bain ». On va essayer de regarder si ce « bain » qu'on produit beaucoup à l'oral est localisé à une certaine place du tour, s'il est dans des tours plus ou moins longs, s'il est lié au nombre de locuteurs, à un genre interactionnel, s'il est présent avec des phénomènes interactionnels. Est-ce qu'on a des bains après une pause? On a une pause, quelqu'un réfléchit, bain, ou bien bain, et puis ensuite une pause, etc. Donc on propose un outil automatique. On donne juste bain, on choisit des transcriptions, on choisit de faire tourner sur toute l'appli. Donc ici, j'avais choisi une sélection de transcriptions. Donc en violet, s'affichent les résultats pour les transcriptions que j'ai choisies. et en gris pour la totalité de la base. Bon, c'est quand même intéressant, si on a choisi des transcriptions un peu typiques, de quand même avoir la même information pour la totalité. Et on voit par exemple que BIN n'intervient pas avant ou après une pause. Par contre, il est utilisé 11 à 8%, c'est une fois sur 10, une fois sur 9, une fois sur 12, dans un segment chevauchant. C'est-à-dire quelqu'un, pendant quelqu'un parle, va parler en disant BIN, BIN, oui, BIN, etc. On va aussi voir que BIN est beaucoup utilisé en début de tour de parole. C'est beaucoup, bon, que ce soit 77, 78%, c'est pas ça qui est important, mais c'est quand même la tendance. Dans les trois quarts des emplois sont en début de tour et un emploi sur trois en premier mot. Par contre, il est rarement seul. Ou en dernier, ou dans des courts tours. Dans des tours courts, pardon. Donc ça nous a permis d'obtenir assez rapidement une étude comparative des particules. Donc l'équipe a travaillé sur 4 particules, mais BIN voilà donc, pour lequel on a pu dégager des régularités. Donc BIN par rapport à la position dans le tour de parole, voilà dans les tours brefs. On s'est rendu compte que voilà était beaucoup utilisé dans des tours courts. Donc ou mais. Et on peut comparer donc des usages. Alors maintenant, l'outil de requête, qui est l'outil que j'ai appelé manuel. Donc je vous montre un petit peu rapidement. Bon, à première vue, ça paraît peut-être un peu difficile. Donc soit on cherche un mot, soit on cherche un phénomène interactionnel. On peut construire une expression avec une certaine distance. On peut chercher des mots donc dans un tour ou dans une suite de tours de parole, localiser à une certaine place dans la production, dans des tours courts, dans des tours brefs. On peut le chercher dans des interactions, par exemple professionnelles ou privées ou commerciales, croiser ça avec des critères audio-vidéo. Si on cherche à travailler par exemple sur de la vidéo parce qu'on travaille sur le geste, on va demander des situations où on dispose d'un enregistrement vidéo. On peut travailler sur le nombre de locuteurs, sur la langue des locuteurs, où on a en particulier le choix du locuteur natif ou non. Et on peut voir si articuler cette recherche d'expression avec un phénomène, est-ce qu'il est suivi d'une pause, est-ce qu'il est suivi d'un chevauchement par exemple. Ici, l'exemple d'une requête sur enfin dans deux productions verbales qui intervenaient après une pause. Donc le résultat, on va l'afficher ici avec toujours l'extrait de l'enregistrement correspondant. Donc une requête, c'est un résultat et toujours le signal correspondant. Donc voilà pour les outils. Donc on n'a pas vraiment un outil, mais une palette d'outils. Des outils qui sont plus orientés lexique, fréquence, co-occurrence. Des outils qui sont plus orientés spécificité de l'interaction. Est-ce qu'on travaille avec du face-à-face? Est-ce qu'on travaille avec un genre interactionnel particulier? Des outils qui vont prendre en compte le déroulement de l'interaction. Est-ce que c'est quelque chose arrive à tel ou tel endroit de l'interaction? On va s'intéresser aussi à des phénomènes plus liés à des spécificités de l'oral, en particulier le segment chevauchement, un tour bref, ou bien des clusters, une expression lexicale à tel endroit du tour. Et enfin, on va pouvoir chercher des choses beaucoup plus complexes. Bon, ici, on travaillait sur le conflit. Les détections de conflits dans une interaction, donc c'est un concept, c'était donc une définition plus complexe, où il fallait voir si on avait des indices pour détecter un conflit. Alors les évolutions de ces outils maintenant, si on revient à notre problème d'évolution, donc on se rend compte que les outils que l'on peut avoir, qui sont développés dans le cadre de projets, sont plus orientés ressources. Ce sont des outils en général spécifiques, donc on a prévu dans l'interface un onglet particulier qui s'appelle requête thématique, parce que c'est quand même des outils complexes et un utilisateur distant qui n'a pas participé, qui n'a pas forcément lu nos travaux, qui n'a pas participé à la définition de ces outils, peut les trouver à première vue un petit peu difficiles à utiliser. Donc on a choisi un petit peu de les regrouper ensemble sous un onglet thématique. Souvent, ils font appel à des paramètres difficiles à expliquer. Donc on veut que l'utilisateur puisse paramétrer ses outils, parce qu'il peut avoir des critères de choix différents des nôtres. Donc ça sous-entend de rentrer des paramètres, ça sous-entend de travailler avec des transcriptions de granularité différentes, donc c'est pas toujours évident. Et puis ça nous demande à nous des tests d'intégration qui sont assez compliqués à faire. On n'est plus dans la recherche d'un mot seul, on est dans la recherche de quelque chose de conceptuel, et c'est un petit peu difficile de savoir si l'outil va être capable d'attraper uniquement ce qu'on cherche ou va nous générer du bruit. Alors ensuite, les évolutions sont liées aussi aux caractéristiques des données. Si on travaille avec des données multilingues, on va avoir des outils très spécialisés et orientés multilingues. On va travailler avec des outils aussi très spécialisés pour prendre en compte et intégrer la multimodalité. On a des travaux actuellement en cours sur les séquences, comment est-ce qu'on identifie les séquences dans des interactions comme les nôtres. Et puis le problème, comme on a pu l'aborder un petit peu là avec les répétitions, des résultats. Quels résultats on affiche? Qu'est-ce qui intéresse l'utilisateur? Qu'est-ce qui nous intéresse nous et qu'est-ce qui peut intéresser aussi d'autres équipes et d'autres personnes qui travaillent avec ces outils? Alors je vais vous parler d'un outil qui est l'outil de détection de répétition qui a été fait dans le cadre d'une ANR, donc une ANR sur l'imitation, où donc l'équipe à ICAR s'est intéressée à l'hétéro-répétition, c'est-à-dire la reprise d'un propos qui a été tenu par un locuteur. Donc un locuteur dit quelque chose et un autre locuteur, plus tard dans l'interaction, va reprendre ce qui a été dit. Donc on parle d'hétéro-répétition, puisque ce n'est pas le même locuteur. Donc on va voir un petit peu, je vais vous dérouler un petit peu les problèmes que nous avons rencontrés pour définir ce qu'était une hétéro-répétition. Il ne suffit pas de dire la répétition par un autre locuteur, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va voir comment est-ce qu'on est arrivé donc à attraper ce phénomène, à limiter le bruit. On a vu qu'il y a beaucoup de répétitions à l'oral, donc qu'est-ce que l'on va prendre en compte comme une répétition? On ne veut pas non plus perdre de données, c'est un petit peu dommage, donc on veut que l'outil soit capable d'attraper vraiment toutes les hétéro-répétitions, mais on ne veut pas non plus qu'il attrape autre chose, ou du moins qu'il attrape beaucoup d'autres choses, sinon il ne servira à rien et il ne sera pas pertinent pour ce qu'on veut faire. On veut répondre aux attentes des utilisateurs, d'autres équipes de recherche qui ne travaillent pas forcément comme nous, qui ont des interrogations, des attentes qui sont un peu différentes, et ça c'est vraiment pas facile. Parce que même si on essaye de présenter nos résultats, d'en discuter dans des conférences ou à l'occasion de séminaires ou autres, c'est quand même très difficile de voir ce qu'une autre personne aura appelé elle, hétéro-répétition, est-ce que c'est la même chose que nous, est-ce qu'elle peut utiliser notre outil tel qu'on l'a conçu. Enfin, il faut éviter l'effet un peu boîte noire des outils, donc il faut quand même qu'on soit capable d'expliquer ce qu'on fait. On a trouvé quelque chose, certes, mais comment est-ce qu'on l'a trouvé? Parce que si on lance, par exemple, une requête sur quelque chose, on a un résultat, oui, d'accord, si on ne comprend pas tellement comment il a été élaboré, c'est quand même pas très très facile pour une personne qui veut l'utiliser. On a le problème des résultats qui sont très nombreux. Alors nous, les principes qu'on retient, c'est de proposer des choix à l'utilisateur pour qu'il puisse en faire son outil, avoir peut-être des critères différents des nôtres, et accepter un peu de bruit pour aussi ne pas multiplier les paramètres si on en a un outil qui est tellement compliqué que finalement personne ne l'utilise. En voulant faire quelque chose de bien, de pointu, de pertinent, on fait quelque chose qui est une vraie usine à gaz, et même nous-mêmes, si 6 mois ou 8 mois plus tard, on reprend cet outil, on ne sait même plus quel paramètre choisir. Donc ça devient assez vite compliqué. Je vais vous l'illustrer avec des exemples très très simples. Donc cette répétition à l'identique par un autre locuteur, on a ici deux exemples. Donc à l'écrit, je crois que ça s'appelle des quasi-segments, à savoir, est-ce qu'on considère là qu'il s'agit de répétition? J'ai un faucon téléphone âgé, quelqu'un qui répond « ouais, faucon lui téléphone âgé ». Donc là, j'ai introduit le « lui » qui est ici. Ici, parce qu'il a fait chaud, parce qu'il a fait trop chaud. Alors là, on a une élision parce que c'est de l'orthographe adaptée, donc on est capable de rapprocher le « il a fait » du « il a fait ». Mais on a introduit trop chaud qui change quand même le sens de ce qui a été dit. Est-ce que c'est toujours une répétition? Donc on a introduit, pour gérer ça, un paramètre. Alors c'est pareil, hein, trouver un texte clair pour un paramètre comme ça, le nombre d'intrus en tant que paramètre, donc le nombre de tokens intrus dans les quasi-segments. On dit ça, honnêtement, ça saute pas forcément aux yeux. C'est pas très très clair à lire, c'est pas très facile, mais on n'a pas trouvé tellement mieux, et donc on l'illustre avec des exemples. Donc ça fait quelque chose d'un peu long à lire, pour juste dire, est-ce qu'on tolère que le segment inclut autre chose. On a ici la même chose avec un ordre, un problème d'ordre. Alors, il se trouve qu'il y a le problème d'ordre et le problème, enfin, un lemme un peu différent. Ici, on a quelqu'un qui dit « Vous viendrez manger la prochaine fois. » Il y a un échange ici qui s'intercale et après, la personne reprend « La prochaine fois, on viendra manger. » Donc, il y a le changement lématique, mon sens, c'est à peu près faire. Et puis, l'ordre qui a été changé. Est-ce que c'est une répétition ou pas? À choisir aussi si on prend l'ordre ou si on accepte des ordres différents. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile d'attraper manuellement. Parce qu'autant quelqu'un qui se plonge à la main sur un extrait de transcription arrivera à attraper certaines choses facilement, rapprocher, bon ici ça se rapproche assez visuellement facilement, là c'est un petit peu plus difficile. On a donc ici des formes lématiques, bon à l'oral on a beaucoup on va parler dans un temps, je comprends, quelqu'un reprend, oui je comprends, vous comprenez, mettez-vous à ma place, on veut rapprocher ou pas ces deux expressions qui ont été répétées. Je vous laisserai, vous laissez un petit mot, je vais, aller voir. Donc si on accepte de prendre en compte les changements, d'inclure les lemmes, on va inclure toutes sortes de lemmes différents aussi. Ici, on a un exemple avec notre cabinet d'architectes, avec les portes. Ils sont en train de travailler sur des portes de sanitaire. Et là, on a les portes. Et ici, la personne reprend. Non, mais ça n'a pas besoin d'avoir une porte forcément. Donc là, on reprend le porte, mais cette fois-ci au singulier. Est-ce qu'on veut rapprocher ou pas cette répétition? Alors après, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on considère comme répétition? Alors, on a vu qu'on avait quand même pas mal d'apax. Hein. On avait 800 apax tout à l'heure pour 17 000 mots et une variété de 1700... une variété du vocabulaire de 2700 mots. Donc il y a énormément de répétitions. Alors si on se base sur des critères purement liés, qui viennent de nos collègues en euros ou autres, on peut dire que passé un certain laps de temps, la personne oublie ce qui a été dit avant. Donc on pourrait utiliser un empan qui serait tout simplement la durée. Tant de millisecondes après, c'est plus une répétition parce que l'être humain ne se rappelle même plus que ça a été prononcé. Tant de millisecondes avant. Alors nous, ça nous pose des problèmes, ce raisonnement en unité de temps, parce que si on reprend l'exemple d'interaction, il y a des activités, par exemple l'interaction que je vous ai fait écouter tout à l'heure, un peu avec l'interaction chez les dentistes, on a des phases de soins. Donc pendant le soin, la personne, il ne se passe rien, il n'y a pas d'échange verbal. Par contre, à la fin du soin, on peut penser que la patiente qui réfléchit peut-être à ce que parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire, autant le dentiste fait plein de choses. Bon, bah, elle, peut-être que pour oublier un peu son soin, etc., elle repense à ce qu'il lui a dit avant et puis elle cherche un moyen d'interrompre ce soin. Ça se voit un petit peu en écoutant l'interaction complète et elle va essayer de se raccrocher à ce qu'il a pu lui dire quelques secondes avant. Donc l'unité de temps sera complètement différente. Si on a un événement extérieur, quelqu'un arrive, interrompt pour plein de raisons, est-ce qu'on va considérer qu'il s'agit d'une répétition parce que pendant un moment, on a eu un événement qui a survenu, qui n'était pas prévu. Alors, on peut raisonner en tour de parole, on peut dire que tant de tours de parole plus tard, c'est plus une répétition. Mais si on a un transcripteur qui découpe des tours de parole de manière différemment d'un autre, on n'aura pas quelque chose de très homogène non plus. Donc, c'est un peu difficile avec une banque de données où on travaille sur des transcriptions différentes. Donc, finalement, ce qu'on a trouvé de plus simple, c'est de revenir à une unité qui est beaucoup utilisée à l'écrit, tout simplement le nombre de mots. Est-ce qu'on peut considérer que l'horizon, c'est un nombre de mots? Après, il faut quand même réfléchir, parce que si on travaille sur la répétition d'un seul mot ou de plusieurs, c'est tout de même pas la même chose. Si on se base sur un nombre de mots très, très important, ben les répétitions d'un mot, on va en avoir plein, puisqu'à l'oral, on a énormément de répétitions. Donc ça nous amène encore à définir cette fois-ci non pas un seul horizon, mais deux horizons. Un horizon pour des répétitions d'un seul mot et un horizon pour des segments plus longs. Donc on voit qu'un paramètre en amène d'autres. Donc, pour optimiser cet horizon, on peut dire aussi, mais après tout, à l'oral, on a plein de mots fréquents, on l'a vu ensemble. À l'écrit, on parle de mots-outils. Et très souvent, les outils de requête dans l'écrit se débattent, enfin, ont une petite case à cocher magnifique, et mots-outils, on enlève les mots-outils, on travaille sur le reste. Seulement, à l'oral, ces mots-outils sont quand même parfois bien précieux. Si on travaille sur des particules, on sait que c'est des mots très très fréquents, si on les exclut, ça peut peut-être poser problème. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de lister, de proposer des listes de mots. Volontairement, on ne leur a pas donné de nom, parce que suivant la communauté à laquelle appartient le chercheur, ce que certaines personnes peuvent appeler particules, d'autres ne l'appelleront pas forcément particules, ou bien n'entendront pas par particules la même liste de mots. Donc on a fait plusieurs listes, on propose par défaut des mots à exclure, et puis à la personne de choisir ou non si elle veut les garder. C'est un petit peu ce qu'on a trouvé de moins mauvais aussi, ou de meilleur comme fonctionnement, ne pas imposer des choix. L'autre question qu'on s'est posée, c'est on peut aussi travailler sur le TFIDS, c'est-à-dire sur la spécificité du vocabulaire. Je vais essayer de changer un petit peu des architectes. Donc on travaille ici dans une interaction où on a un descriptif d'itinéraire. On sait quand on parle d'itinéraire, on parle de rue, on parle d'aléas, de monter, de descendre, de tourner à gauche, de tourner à droite, ce genre de choses. Donc on pourrait décider d'exclure des répétitions, tous ces mots qui vont être très très présents dans la transcription, parce qu'elle parle d'itinéraire. On pourrait au contraire non pas regarder ce qui est spécifique, mais regarder les mots comme être, avoir, aller, etc. Les verbes cette fois-ci, mais qui sont beaucoup, beaucoup utilisés, pas uniquement les particules ou les petits mots. Mais à ce moment-là, que l'on choisisse l'un ou l'autre, ça va être un petit peu difficile si on veut comparer deux interactions entre elles. Si on veut comparer deux interactions, une qui parle d'itinéraire, une qui parle de tout à fait autre chose, on n'exclura pas les mêmes mots, on ne va pas exclure forcément non plus les verbes les plus fréquents, ce ne sont pas les mêmes d'une interaction à l'autre. Donc, quand on va vouloir travailler sur les comparaisons, ça va rendre les choses un petit peu difficiles. Alors après, les résultats affichés, ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est un peu difficile. On a tendance à afficher, évidemment, déjà ce qui est répété, donc le segment répété. on veut. Alors après, est-ce qu'on travaille sur le segment le plus long, enfin dans un segment répété qui est un petit peu long, il y a des sous-segments. Et ces sous-segments, enfin c'est cette sous-partie, pardon, du segment un peu long est répétée encore plus, parce qu'on va le retrouver dans d'autres segments. Est-ce qu'on les comptabilise aussi ou pas? Donc on va travailler sur le segment le plus long ou bien les sous-segments. Qu'est-ce qu'on affiche? On affiche par fréquence, on affiche par taille du segment. Qu'est-ce qui est le plus important? On veut afficher les résultats par locuteur. On veut, donc quand on aura beaucoup de locuteurs dans une interaction, déjà côté affichage, ça ne va pas être facile à lire, forcément. Si on affiche les répétitions des locuteurs, on va afficher aussi leur production pour leur pouvoir si la ressource est utilisée ou non. On va peut-être afficher aussi le détail des segments locuteur par locuteur. Donc ça fait déjà beaucoup de choses là. On a déjà beaucoup de choses et beaucoup d'informations. On veut travailler sur la totalité de l'interaction. Une interaction, c'est un tout, c'est une organisation. Donc on veut afficher ces répétitions dans la totalité de la transcription. Et puis, ce qui est en réflexion, est-ce qu'on laisse le choix à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut afficher? Mais alors, comment est-ce qu'on va l'exprimer? Est-ce que ça va être très clair ou pas? Est-ce qu'on va lui laisser, par exemple, nous, dans notre équipe, on n'est pas très graphique. On a essayé d'afficher des fois des résultats avec des graphiques. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé par les chercheurs. On peut peut-être quand même le proposer pour d'autres communautés qui sont peut-être beaucoup plus habituées à cet affichage graphique, chiffré, etc. Après, ce qu'on aimerait faire, on a quand même une base de données, hein, on a toujours envie de comparer les situations les unes avec les autres. Donc, est-ce qu'on propose ou pas des outils de comparaison? Alors, on voit déjà que c'est très compliqué d'afficher les résultats de cet outil. Si maintenant, on compare deux interactions, on compare des interactions de certains genres, professionnelles, à commerciales ou à privées, comment est-ce qu'on va afficher les résultats? Donc ici, quelques choix que l'on a fait. Donc ici, par longueur de segment, on peut toujours retourner au détail et puis on affiche locuteur par locuteur en opposant la ressource utilisée avec la production de ce locuteur. Le détail, vous voyez ce que ça donne quand même, hein. Là, j'avais de la chance, on avait quatre locuteurs, mais c'est quand même un peu long, un peu fastidieux à lire, peut-être pas toujours facile à utiliser. Et ici, donc, des répétitions dans la transcription elle-même, avec des reprises, donc on a choisi d'intégrer des lemmes, d'intégrer ici, rendre la clé de la chambre, donc on a des intrus par rapport à rendre la chambre ici. Donc là, c'est assez facile à lire. Dans cet exemple qui suit, c'est beaucoup plus compliqué. On a le bassin ici qui revient, je ne sais plus. On a le voile à sec qui est ici. Le bassin, il doit revenir un peu par là, parce qu'on a choisi un horizon un peu large. Quand on choisit un horizon assez large, ce genre d'affichage est quand même particulièrement difficile à exploiter. Si on choisit un horizon court, c'est un petit peu plus facile. Et alors maintenant, ça se gâte un petit peu quand on a la présentation de l'outil, puisqu'on explique ce qu'on fait et on explique les paramètres. Donc c'est quand même pas si simple, hein, dès qu'on fait des outils orientés ressources et outils... c'est pas si facile que ça à faire. Oups, pardon. Voilà. Alors maintenant, l'évolution des outils. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On a des outils de plus en plus complexes. On avait au départ, avec la banque de données, des outils assez simples, quand même, les concordances, les concurrences, etc. Maintenant, on travaille à l'intérieur de projets où on étudie des phénomènes particuliers. Donc, on se rend compte que définir l'objet de recherche, c'est déjà difficile. C'est déjà pas très simple. Déjà pour notre équipe, mais pour un utilisateur distant, comprendre ce qu'on a défini, comprendre notre objet, parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein. Donc, il faut quand même bien expliquer ce qu'on a cherché. Donc, ça, c'est difficile. Garder un outil simple sans inonder l'utilisateur de paramètres, c'est difficile aussi. Mais faire une boîte noire qui lui sort un résultat sans qu'il comprenne comment il a été calculé, c'est pas meilleur. Donc c'est quand même assez difficile. Comment est-ce qu'on fait ça? On met des bulles d'aide un petit peu de partout, on met des exemples. Comment est-ce qu'on spécifie ce qu'on a exclu? Comment est-ce qu'on spécifie les calculs que l'on a faits? Quel terme utiliser? Il faut faire attention. Des chercheurs de différentes communautés utilisent ces outils et ce qui est très clair pour l'un, telle donnée chez l'un, ne correspondra pas à telle donnée chez l'autre. Et puis à l'oral, en termes de résultats, il faut toujours bien penser aux trois questions qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc ce qu'on a cherché, bon ici c'était un segment, hein, mais ça aurait pu être un autre exemple. Qui le produit et quand? Parce qu'une interaction, c'est quand même un tout. La temporalité est très très importante. Si on affiche des résultats, des chiffres, décontextualisés et avec simplement des... On perd quand même une belle dimension de l'oral. Donc il ne faut quand même pas oublier ces trois dimensions. Il ne faut pas, bien sûr, oublier le contexte et toujours proposer de revenir au détail de ce qu'on a trouvé pour que le chercheur puisse avoir accès aux données, vérifier, visualiser, entendre, parce qu'on est dans l'oral, ce qui se passe ou voir. Et comme on est dans un contexte de banque de données, toujours penser que cette banque de données, ça encourage quand même un travail comparatif. Ça encourage les utilisateurs, et c'est une très bonne chose, mais ça rend les choses aussi complexes, de comparer des situations qui peuvent être très différentes ou au contraire qui peuvent sembler similaires. Je vais passer maintenant à la partie juridique. On vous peut-être les questions à la fin, j'aurais dû m'en inquiéter. Donc je vais vous parler rapidement des contraintes juridiques. Donc je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour en parler, puisque c'est mes deux collègues, donc Sylvie Bruxelles et Émilie Join, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, mais je veux quand même essayer de vous lister ce qui concerne le juridique dans ce que nous avons. Donc déjà, au niveau des données orales, on n'a pas de droit d'auteur, puisque pour nous, il n'y a pas d'auteur. Ce n'est pas un roman, il n'y a pas les interactions orales, elles sont produites par nous tous. On n'a pas d'auteur identifié, donc on échappe au droit, pour l'aspect juridique, en tout cas à l'aspect droit d'auteur. Alors il faut faire très très attention pour ce qui est audiovisuel, en particulier qu'il s'agisse de radio que l'on enregistre, ou qu'il s'agisse d'émissions télévisées, là on est tout à fait dans un autre registre, et là il y a le droit de la chaîne qui diffuse, ou de la radio. Alors en termes de propriété intellectuelle et de citation des données, donc une banque de données ça se cite, hein. C'est un travail conséquent, on vient d'en voir des exemples, et pour toutes les banques de données c'est la même chose, donc il faut quand même citer les données, ne serait-ce que pour que des personnes après puissent aussi retravailler avec les mêmes données, interroger la base ou autre. Donc on a le droit de citer, on doit citer ses sources, on doit citer ses données. Alors on a un agrément CNIL à demander. Donc personnellement, nous, dans la base CLAPI, nous ne stockons aucune information personnelle. C'est-à-dire que nous ne stockons pas les noms des locuteurs, nous ne stockons pas leur adresse, nous ne stockons aucun caractère, mais malgré tout, nous avons leur voix, nous avons leur image. Et ce sont des données personnelles, hein, même si on n'a pas l'adresse, même si on n'a pas le numéro de téléphone, etc. Le téléchargement de données est soumis à conditions d'utilisation. On ne peut pas laisser les gens télécharger des données, même si c'est un chercheur qu'on aime bien, une équipe avec qui on travaille. Il faut quand même que les gens soient conscients, quand ils téléchargent des données, qu'ils ne peuvent pas en faire ce qu'ils en veulent. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à des conditions sur l'utilisation de ces données. S'ils recréent un enregistrement à partir de plusieurs bouts d'enregistrement, est-ce que c'est une nouvelle donnée? Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce qu'on a le droit de décontextualiser les propos tenus par un locuteur? On s'intéresse, mais avec toute la bonne volonté du monde, aux formules de politesse, est-ce qu'on va extraire les 3-4 mots autour des bonjours qu'on a vus tout à l'heure. On a le droit concerne les locuteurs enregistrés, donc des autorisations des locuteurs. Il faut bien leur spécifier le cadre d'utilisation de nos enregistrements. Alors, il y a 30 ans en arrière, on leur disait, on vous enregistre, c'est à des fins de recherche et d'enseignement, ça ne sortira pas de la recherche et de l'enseignement. Aujourd'hui, une base de données en ligne, c'est faux. Tout le monde ici tape CLAPI. Ici, on est dans un environnement d'enseignement et de recherche, mais CLAPI est en ligne. N'importe qui peut consulter, peut extraire, peut télécharger nos données. Et on n'a aucune, mais alors vraiment aucune certitude qu'il s'agira de quelqu'un du monde de la recherche et de l'enseignement. Et quand bien même on l'aurait, alors aujourd'hui c'est complètement impossible, parce qu'avec l'organisation réseau que l'on peut avoir, c'était un peu plus vrai il y a une quinzaine d'années, on pouvait récupérer l'adresse IP, vérifier que la personne appartenait bien au réseau d'Orléans, etc. Aujourd'hui avec le Wi-Fi, on ne peut plus le faire. On a beaucoup de chercheurs qui travaillent depuis chez eux, avec des boîtes, Free, etc. Enfin, je ne donne pas de marque, mais je l'ai donné. Mais c'est pas grave, avec des boîtes, etc. Donc, ils sont derrière une adresse générique. On n'a aucun moyen de savoir que c'est bien le chercheur d'Orléans qui a travaillé sur ces données. On ne peut plus techniquement le faire. On peut toujours créer des comptes utilisateurs, mais qui les utilise? Est-ce qu'ils ne sont pas diffusés? On a des gens qui ouvrent des boîtes. Enfin, nous, quand on va à un colloque, on passe derrière quelqu'un qui laisse sa boîte ouverte de mail. Rien ne nous assure que rien ne peut nous garantir que les données ne sont utilisées que dans la recherche et l'enseignement, uniquement par la recherche et l'enseignement. Alors, nous, on héberge des données externes. Donc, là aussi, qui est propriétaire des enregistrements? Au moment où les gens nous confient leurs données, on leur pose des questions. Est-ce que si quelqu'un veut une convention, vous voulez aussi être donc informé sans les informer, mais est-ce que vous voulez aussi donner votre avis, être d'accord de nous spécifier si vous êtes d'accord ou non pour une convention de recherche avec un étudiant, par exemple, ou avec un laboratoire de recherche. On a une convention de prêt, cette fois-ci, pour les données qui ne sont pas téléchargeables et pas accessibles. On fait signer une convention de prêt à un chercheur. Donc, on a là aussi des textes juridiques et des autorisations. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que nous, on baigne un petit peu là-dedans, hein, les données orales et autres. Il faut bien penser qu'on a des communautés qui utilisent nos données. On a par exemple des gens de la communauté de l'écrit. Pour eux, il n'y a pas de droit d'auteur. il n'y a pas un auteur, il n'y a pas de notion de... Donc pour eux, il n'y a pas de problème de droit, puisqu'eux sont confrontés à des problèmes de droit de nature vraiment très très différente des nôtres. Et ils peuvent tout à fait, en toute bonne foi, utiliser ces données sans se rendre vraiment compte qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut avec l'oral. Alors l'autre problème, c'est la banalisation de l'image et de la caméra, hein, avec YouTube, avec beaucoup d'autres sites. Maintenant, on a l'impression, avec les portables, on filme un peu tout et n'importe quoi. On est nous-mêmes sur je ne sais pas combien de vidéos à la plage ou ailleurs, hein, de vidéos de privées, etc., où les gens filment et puis ils nous filment par la même occasion. Donc il y a aussi une banalisation de l'image qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on a tendance à filmer. Il faut bien se rendre compte que ce sont des données personnelles et des données... audio qui engage la vie, enfin les personnes filmées. Et c'est pas toujours si facile. Hein. Il y a une prise de conscience, mais elle est un petit peu longue. Alors je vais vous dire ce qu'on a fait nous dans Clapy, hein, c'est pas à titre d'exemple, mais pour illustrer un peu tout ça, on a fait un dossier de déclaration à la CNIL. Donc avec, on a une homologation, un dossier qui est quand même assez conséquent à remplir. On a des CGU qui ont été définis donc avec donc les gens de l'équipe d'ICAR, mais qui ont été validés aussi par des personnes, et notamment par la cellule juridique du CNRS et par des juristes, qui font que quand vous arrivez pour télécharger une donnée, même un extrait très court, hein, de quelques minutes sur Clapy que vous allez télécharger, vous allez voir afficher les CGU que vous êtes obligé de valider pour pouvoir télécharger. On a le consentement éclairé des locuteurs enregistrés, c'est-à-dire qu'on a un texte juridique qui explicite aussi l'utilisation des données, qui explicite la partie banque de données, base de données, etc. Donc c'est des termes vraiment juridiques pour lesquels on s'est fait aider parce qu'on n'avait pas spécialement de connaissances en la matière. Pour l'hébergement de corpus externe, on a une convention spécifique d'hébergement de données que l'on fait signer donc aux responsables et aux propriétaires des corpus. Pour les prêts, ben je crois que plusieurs d'entre vous en ont signé ici, on a aussi des conventions de prêts avec les chercheurs qui empruntent nos données. Ils s'engagent à en faire une certaine utilisation. Et tout ça donc, a été fait avec l'aide précieuse de la cellule juridique du CNRS. Il faut savoir aussi qu'il y a donc une personne au CNRS à Paris, je crois, qui travaille sur les agréments CNIL et les dossiers de déclaration CNIL, parce que la première fois qu'on remplit un dossier, c'est pas toujours évident. Donc un exemple de CGU que vous voyez s'afficher, donc autant que... Donc ce qui m'a moins intéressé, que j'ignorais là-dessus, c'est le 7e article, bon là malheureusement je vous ai affiché les deux premiers, vous pouvez les voir sur Clapy, qui dit quand même que ce qui fait vigueur, c'est les CGU telles qu'elles sont affichées sur le site, c'est-à-dire que si on doit faire plein de modifications, prendre en compte une nouvelle réglementation, ce ne sont donc les CGU qui rentrent en jeu... et qui font référence sont celles qui sont affichées sur le site. Hein. C'est assez rassurant quant aux modifications, etc. Donc, dans Clapy, en termes d'accès, nous, on a un accès à éviter. On n'a pas voulu embêter les gens avec des mots de passe, des choses envoyées automatiquement, rendre des coordonnées. On s'est rendu compte, pour avoir discuté avec d'autres collègues, que souvent, les gens remplissaient n'importe quoi dans les formulaires, juste les champs avec des petites étoiles parce qu'ils étaient obligatoires, en remplissant plus ou moins bien et souvent pas très bien les informations. Donc, on n'a pas trop voulu faire ça. Donc, on n'a pas du tout d'authentification. Donc, les gens arrivent. Ils se connectent à la base, donc ils ont accès aux métadonnées, à des informations sur la fréquence des tokens, aux outils de requête dont j'ai parlé tout à l'heure, les 95% de données accessibles via ces outils, aux 23 heures de données téléchargeables. On peut avoir donc un statut de contractuel si des personnes ont signé une convention de prêt pour avoir accès à d'autres données. Et enfin, le responsable du corpus a bien sûr eu droit à toutes ces données. Alors maintenant, je vais vous parler des projets de recherche autour de Clapy. Donc, je vais vous glisser ce chiffre parce que je ne savais pas trop où le mettre, qui quand même est intéressant. Quand on a une plateforme et une banque de données, c'est intéressant de suivre les accès et ce que les gens font de cette plateforme et comment ils l'utilisent. Alors, on n'a pas non plus une gestion très très fine puisque nous, on a 95% en fait des accès qui se font en tant qu'invité. Donc, une personne arrive et puis ne s'est pas authentifié. Donc, je ne peux pas dire ce que Pierre, Paul ou Jacques a fait. Ce que je peux juste dire, c'est les outils utilisés, les requêtes, puisqu'on stocke les critères de requête. Donc on a chiffré les accès, donc c'est un chiffrage qui ne se veut pas du tout marketing, puisqu'on ne compte pas la page d'accueil, on ne compte pas les requêtes qui ne sont pas formulées, on compte juste les vraies requêtes. Et on a environ 10 000 accès par mois, dépend un petit peu des mois. 10 000, j'ai intégré le mois d'août, qui par exemple est comme par hasard un petit peu plus faible. On s'est rendu compte qu'on avait un quart des accès entre minuit et 6 heures, donc on a peut-être pas mal d'insomniaques, mais on peut penser aussi qu'il est utilisé à l'étranger. Les accès pour la base de données, donc 50% concerne des consultations, on a du streaming, mais on a aussi des téléchargements. Et la bonne nouvelle, on s'est rendu compte que les gens téléchargeaient les enregistrements et les transcriptions, mais aussi les conventions. Donc ça, c'est déjà des utilisateurs avancés qui ne veulent pas juste récupérer sur leur disque dur le maximum de données, mais qui veulent aussi récupérer les moyens de les utiliser, parce que la convention de transcription, c'est ce qui explicite la transcription. En termes d'outils, par contre, moi, je suis un peu déçue, puisqu'on a 70% d'outils qui concernent les concordances. Alors, qu'il s'agisse de concordances avec les outils, mais il y a aussi beaucoup de recherches de simplement sur concordancier. Donc, beaucoup de requêtes sont simples, recherchent simplement une forme lexicale. Voilà. Alors, je vais vous parler des projets de recherche et de l'API. Donc, on a eu un premier projet de recherche qui a donné... qui nous a permis de développer la banque de données CLAPI dans sa première version, qui était la CITTT, donc Nomex CLAPI, nouvelle méthode d'exploitation de corpus de langues parlées en interaction. C'était un appel d'offres transversal pour un projet de 3 ans qui a financé une thèse, la thèse de Kamel Awish, qui a travaillé étroitement avec nous du laboratoire Eric à Lyon et qui a abouti à la modélisation de nos données orales et à CLAPI. Une ANR SPIM beaucoup plus récemment, dont le sujet était l'imitation dans la parole, des intégrations sensorimotrices à la dynamique des interactions conversationnelles. Donc autant vous dire que nous, on était côté conversation. Et donc c'est là où on a développé l'outil sur les témoins répétitions dont j'essaie de vous présenter un petit peu les problématiques. On a travaillé avec un projet région pour la détection de phénomènes complexes dans les corpus de linguistique. Donc c'était un projet avec une équipe informatique de recherche d'informations sur justement la détection automatique de séquences, la détection notamment de séquences conflictuelles. On a un projet en cours avec la DGLF et avec des équipes de PFC et d'SEO qui concernent l'interopérabilité des grandes banques de données de corpus oraux, métadonnées et transcriptions. On a essayé de se dire que PFC, SEO et CLAPI avaient un petit peu des problèmes communs et qu'il serait intéressant de discuter ensemble d'interopérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour les uns et pour les autres? Le projet franco-allemand CLF, donc Corpus international écologique de la langue française, donc un projet franco-allemand avec l'équipe de Stefan Finder à Freiburg, Vanibel aussi avec Anne-Catherine Simon et Lyon avec ICAR, un projet qui s'est terminé en décembre. Et puis une ANR en cours qui est l'ANR Orfeo, outil de recherche sur le français écrit et oral. Alors je vais vous parler de quelques études en BRAC, je vais vous les citer un petit peu rapidement peut-être, pour vous dire un petit peu le type d'études qui ont été menées avec l'API, donc des études sur les particules, oh là là, voilà, attends bain, des études sur les émotions, pleurs, rires, craintes, des recherches qui ont été faites plus orientées sur des syntaxes comme qui dirait, je veux dire, au niveau de Panta en ce qui concerne. On a eu des travaux sur quoi en fin de tour, sur les reprises par des relatives, sur les démonstratifs à l'oral, des travaux sur les séquences, un travail sur les négations, un travail sur les conflits, et des travaux sur les répétitions, en particulier quelqu'un qui travaillait uniquement sur les sessions de jeux vidéo et qui s'intéressait à l'organisation des jeux vidéo et la manière dont les joueurs, non pas menaient bien le jeu, mais interagissaient entre eux. Alors, on ne travaille pas tout seul. Donc l'API, est en lien avec d'autres plateformes et d'autres banques de données. Donc je vais commencer avec SLO et PFC, donc avec le projet dont je viens de parler concernant l'interopérabilité des grandes banques de données. L'API a alimenté aussi l'archive Corpus de la Parole, donc était une initiative menée par les deux fédérations de recherche LFTUL et par la DGLF et que pilotait donc Olivier Baud. CLAPI a travaillé aussi avec la TalkBank, c'est-à-dire que des données de CLAPI sont actuellement sur la TalkBank, donc dans les données concernant l'interaction. Et réciproquement, on a donc une plateforme de CLAPI, enfin une version, je pourrais dire, de la plateforme CLAPI qui reprend les corpus de CA et uniquement d'analyse conversationnelle de la TalkBank dans CLAPI et qui contient aujourd'hui des données anglaises et des données danoises. On a travaillé avec une équipe, donc avec Johannes Wagner, sur leur corpus de référence en langue danoise. Et on a travaillé donc avec l'IDS et Arnulf Deperman sur les outils. Ensemble, on a mené des réflexions communes sur les outils de requête sur l'oral. Et enfin, donc le projet CIRIC dont je viens de vous parler tout à l'heure, donc qui a permis d'interfacer CLAPI avec MOCA. Et enfin, donc, c'est difficile de parler de projet de recherche sans parler d'interopérabilité. Donc, dès 2006, on avait proposé un export des données en TIP5. On a revu un petit peu notre copie au fur et à mesure de l'évolution de nos descripteurs. Et on a, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on a un export des données en TIP. Alors, je vais revenir sur la préétude sur l'interopérabilité des grandes banques de données. Donc, quel était l'objet de ce projet? Ben, c'était d'initier un peu une réflexion commune avec donc trois acteurs principaux de banques de données en France. Donc, les banques de données, PFC, Eslo et Clapy. Alors, notre but, c'était pas de travailler uniquement échange de fichiers. Tu me passes de la TUI, je te passe de l'XML, etc. C'était plutôt de réfléchir qu'est-ce qu'il est pertinent d'échanger entre des grandes banques de données. Est-ce que c'est intéressant, par exemple, d'avoir des corpus de Clapy dans Eslo? Est-ce que c'est intéressant pour PFC d'inclure dans PFC ou d'héberger dans PFC des données de Clapy? On n'en est pas vraiment sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'héberger un corpus externe? A-t-on des enjeux? Donc, la discussion, on est arrivé avec un petit peu nos descripteurs les uns et les autres, et à cette phase de la discussion, ce qu'on a proposé de faire, c'est plutôt que d'héberger en disant « Tiens, super, je suis génial, je suis entièrement interopérable, je suis capable d'accueillir des corpus de Pierre-Paul ou Jacques », on a préféré mener un travail commun, et on veut travailler sur un enregistrement commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un enregistrement commun, sachant qu'on travaille avec des protocoles très différents? C'était, ben on a choisi SLO2, puisque SLO2 était en cours de réalisation donc à Orléans, donc on pensait que c'était une bonne idée, et qu'Orléans a des contraintes aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur les locuteurs, puisque vous enregistrez des locuteurs qui ont fait au moins une partie de leur scolarité à Orléans, si je ne me trompe pas. Donc des vrais Orléanais, entre guillemets. Alors que nous, dans Clapy, on n'a par exemple pas du tout ce genre de restrictions. Donc on voulait que nos données ne soient pas n'importe quoi non plus, mais des données qui soient utiles aux trois banques de données. Donc on voulait enregistrer des locuteurs donc d'Orléans, on voulait soumettre ces locuteurs au protocole de PFC. Le PFC est bâti sur un protocole strict avec plus de 4 types d'interactions, si je me souviens bien, de la liste de mots à l'interaction naturelle. Donc on voulait respecter ce protocole avec donc les locuteurs d'Orléans. Et enfin, côté Clapy, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la liste de mots que PFC, du protocole PFC, mais par contre, beaucoup plus l'interaction libre, pardon. Donc, nous, on intervenait pour filmer l'interaction libre dans cet enregistrement commun. Et donc, les trois équipes avaient un intérêt dans cet enregistrement, hein, et chaque équipe transcrivait et analysait avec ses propres méthodes de travail un extrait. Et l'idée était de mettre en commun ces transcriptions et les analyses qui pouvaient être faites. Et de diffuser, bien sûr, l'expérimentation. Alors, je parlais du projet CLF maintenant. Donc, je crois que Marie peut en parler encore mieux que moi. Donc, CLF vise à constituer un grand corpus des Français dans le monde. C'est-à-dire c'est un projet donc qui était basé sur le recueil de données audio-vidéo dans des situations comparables. On avait fixé donc un nombre d'interactions professionnelles, d'interactions privées, d'interactions de radio et d'interactions diverses dans 17 aires géographiques où le français était parlé. Je te regarde, Marie, ça va? Et donc on s'intéressait à l'archivage de ces données et à faire donc une plateforme qui permettait de faire des comparaisons entre ces aires géographiques. Donc, c'est un projet donc, qui regroupait les équipes allemandes, les équipes belges et les équipes françaises. L'hébergement des corpus de ciel sont pour les données gérées par la France actuellement dans Clapy, pour les données gérées par l'Allemagne dans Moka. Et on veut donc travailler sur une passerelle Clapy-Moka. Donc, une passerelle, ça c'est vraiment intéressant, qui va se jouer au niveau des données. On ne va pas ressaisir les données qui ont été saisies dans Moka en Allemagne et dans Clapy, ça serait un petit peu dommage. Il y aura déjà de gros risques d'erreur avec cette double saisie, puis bon, on est quand même en 2013. Donc on souhaite avoir une procédure interopérable d'une banque de données à l'autre. Si les données évoluent, pouvoir basculer, donc c'est un corpus complet par exemple, soit la collection complète de données, soit un corpus complet, soit un enregistrement d'une banque de données à l'autre. Et puis, encore plus intéressant me semble-t-il, faire une passerelle. C'est-à-dire permettre depuis Clapy et depuis Moka de basculer d'une application à l'autre. Donc on sera en train d'explorer, de collecter des données, des corpus dans Moka et on proposera par exemple d'aller voir dans Clapy comment ces données sont représentées et de passer d'un affichage à l'autre et surtout de bénéficier des outils de requête d'une des plateformes comme de l'autre. Donc ça nous a paru très intéressant. Ça permet aussi d'augmenter la visibilité des corpus de ciel, puisque les personnes qui sont habituées à travailler dans Moka et dans Clapy verront les corpus de ciel, et donc ça accroît toujours la visibilité. ça fait une redondance des données qui n'est pas négligeable non plus. Et chaque utilisateur peut aussi comparer les données de Ciel avec les données de Mocha ou bien les données de Ciel. Donc voilà le projet de ce projet qui est particulièrement intéressant pour la passerelle, à la fois au niveau des données et des outils. Je vais revenir rapidement sur la TalkBank. Donc voilà ici la convention, par exemple, de transcription du corpus du corpus de référence danois. Donc avec ici la convention qui est assez complète. Et donc la plateforme Clappy Workbench, on l'a appelée, on va retrouver le corpus danois et le lexique ici danois, comme on a vu le lexique français tout à l'heure dans Clappy. Et ici, un affichage de la transcription avec toujours nos 20 et nos 40 secondes. C'est du danois, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, parce que je suis bien incapable de le traduire. Et puis donc, qui parle de ce type de projet, de travailler avec d'autres banques de données, par l'interopérabilité. Donc, interopérabilité, c'est la vision un peu donc c'est la vision des données. Donc, comment est-ce qu'on travaille? Donc, on a essayé de s'appuyer sur des standards. Donc, Clappy, donc on propose dans Clappy un export des données avec les descripteurs Dublin Core OLAC. Donc, c'est des descripteurs qui ont une visée beaucoup plus orientée archivage. On retrouve notre corpus de dentiste de tout à l'heure. On voit qu'il y a 5 consultations, une étude réalisée sur ces corpus, mais c'est à peu près tout ce qu'on voit. Bon, on se doute que consultation chez le dentiste, on a une petite idée de ce que ça peut être d'après le titre du corpus, mais ça aurait pu être un titre un peu plus hermétique. On n'a pas beaucoup plus d'informations, excepté sur la date de création de la ressource. Si on la modifie, on saura qu'elle a été modifiée, mais c'est tout. Donc nous, on utilise et on travaille beaucoup plus avec l'export de données en TEI. Alors là, on peut bénéficier de la diversité des descripteurs. On a beaucoup de descripteurs à nous choisir le sous-ensemble qui nous intéresse, qui vont nous permettre donc de donner des informations sur le corpus, qui a conçu le corpus, qui l'a transcrit par exemple ici, s'il a été balisé, comment il a été balisé, des informations juridiques aussi ou d'accès sur ce corpus, des informations sur la qualité du signal, est-ce qu'on a un streaming ou non, sur la transcription. Des informations sur les locuteurs, pardon, j'avais ici l'âge du locuteur, sa date de naissance, son niveau d'études, etc. Donc on peut aller très très loin dans la description et on peut retrouver l'ensemble des descripteurs que l'on avait dans Clappy, excepté qu'il nous manque quelques 13 descripteurs. Bon, par exemple, pour la transcription, on n'a pas beaucoup de choses. Pour l'enregistrement, on manque aussi beaucoup d'informations. On n'a pas vraiment de balise aujourd'hui pour décrire l'enregistrement tel qu'on souhaiterait l'avoir décrit. Donc il nous manque quand même beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est peut-être des choses qu'on va pouvoir améliorer. Ensuite, la transcription elle-même. Donc ici, j'ai essayé, mais je ne sais pas si c'est très clair, de mettre ici une production verbale. Alors j'ai pris un exemple, donc on a le contenu de nos transcriptions en TEI. Ici, on a notre dentiste qui me dit « tu parles » pendant que la patiente arrive entre deux soins à rire, à soupirer quand même, et à dire « heureusement que vous avez de la clim ». Et donc, on a transcrit ça donc en TEI, donc avec des utterances et le locuteur. Un repère temporel ici avec un ancrage, enfin une balise de pointeur, pardon. Ici, donc le tu parles qui est là. Ici, on a la pause, une pause de 4 millisecondes, je pense. Donc, avec la durée de la pause et la manière dont elle a été transcrite. On a toujours la forme transcrite, on a les moyens de le faire. Des informations ici, donc des descriptions, des notes pour le rire et le soupir, et enfin les productions, enfin le verbal. Ici, on a trouvé aussi une solution pour ce qu'on a pour le chevauchement. Donc là, la patiente dit ouais en même temps que le dentiste dit local et etc. Donc on a ici aussi un ancrage temporel pour relier ces deux chevauchements et indiquer donc que ce chevauchement, que le ouais est dit et produit en même temps que le local du dentiste. Voilà, et je vais finir par les orientations pour laisser quand même du temps pour des questions. Donc, les orientations, je vais aller vite puisque finalement, on les a vues un petit peu au fil de la présentation. Donc, on a de nouvelles métadonnées qui sont présentes pour décrire de nouvelles données. Donc, en fait, on aura de nouvelles métadonnées et de nouveaux outils parce que tout simplement, on a de nouvelles données. Donc, on a des données multilingues, on a des données multimodales et on va avoir des descripteurs qui vont être indispensables pour décrire ces données. On prévoit donc en termes d'évolution, c'est une petite chose, mais il ne faut pas l'oublier, on l'avait complètement, c'est quelque chose qu'on avait omis au départ, parce que pour nous, Clappy, c'était une banque de données de corpus de langues parlées en interaction et de français. Donc on va avoir une traduction de l'interface, on ne pensait pas au départ qu'on allait héberger par exemple les données de la TalkBank en anglais et en danois. Et faire des outils qui sont déjà pas faciles pour des Français, forcément, enfin, c'est déjà assez compliqué, les critères de ces outils, les paramètres, mais si on veut que les gens de langue anglaise ou danoise l'utilisent sur ordonnée, il faut évidemment une traduction de l'interface. C'est assez évident, mais c'était quelque chose qu'on avait un petit peu oublié au début. Les techniques, alors il y a un volet dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est pour ça que je l'ai quand même mis ici. Donc on est très très intéressé par les techniques de TAL, d'ingénierie des connaissances et de recherche d'informations sur nos données. Alors sachant que ça pose pour les données orales des problèmes de volume, puisque c'est des techniques qui ont été au départ beaucoup plus conçues pour des corpus volumineux, des corpus de l'écrit, des corpus où on avait une certaine continuité, on prenait toutes les œuvres par exemple d'un auteur et on appliquait donc des techniques de TAL sur un volume conséquent. Là, nous, on est dans des interactions de durée variable, donc c'est un petit peu plus difficile. On ne peut pas proposer le même volume de données. Qui dit outil de TAL dit préparer en général des données qui permettent d'apprendre aux outils. Donc, il faut qu'on soit capable de préparer des données annotées dans un volume suffisant pour permettre aux outils de TAL de fonctionner. Ces outils de TAL vont eux-mêmes produire des annotations, il faudra qu'on puisse les vérifier, faire des tests, et c'est quand même des choses qui sont assez lourdes à mettre en œuvre, et vérifier les résultats d'un outil, ce n'est pas quelque chose de simple. Et le dernier point dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, donc je vais passer très vite sur l'orientation de ces données vers l'enseignement, et en particulier l'enseignement du français langue étrangère, avec le partenariat avec différents départements de français. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre patience, j'ai mis un petit peu de biblio sur des travaux qui ont été menés avec l'équipe. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez encore un peu d'énergie. Ou si j'étais un peu trop longue. Ou si vous avez des questions. Je vais faire une première question. Mais... Vas-y. Avec une première remarque aussi, je suis. On est bien placé ici. Aussi pour savoir la quantité de travail qu'il y a derrière tout ça. C'est assez colossal, finalement. Et c'est pas fini, quoi. Et c'est pas fini, c'est ça qui fait peur, et surtout pour nous, il y a des choses qui se trouvent, mais il y a aussi, si on est quand même devant, relativement important. Une des questions, là, je peux parler. C'est vraiment. Impressionnant en termes de quantité de travail il y a des personnes en plus que ce présenté au début qui travaillent sur le projet. Ah non, on en a même peut-être même plutôt en moins, puisque Michel Bert et Christian Planta, Lorenza Mondada, que j'ai présenté, parce que c'est trois personnes qui ont joué un rôle fondamental dans la constitution de cette banque de données. Lorenza Mondada a quitté le laboratoire, Michel donc travaille maintenant dans un autre laboratoire aussi, et Christian Pantin part dans une retraite certes bien méritée, mais a quitté le laboratoire aussi pour un départ en retraite. Donc on est même moins nombreux, et puis on a beaucoup de données, de plus en plus, hein, je crois que vous avez les mêmes constats. Et ces outils, ces banques de données doivent s'adapter à ces nouvelles données. Je crois que c'est ça qui est assez difficile. Sur un rapport du travail, puisque dans les gens que tu as cités là, dans tout le monde à savoir, dans un projet comme ça, mais il y a pas mal de boulot qui tourne autour de l'aspect de la forme, des techniques, etc., qui sont un peu principalement colossaux. Oui, alors par contre, c'est vraiment un travail, vraiment d'équipe, hein. C'est pas juste pour citer une équipe, à savoir que c'est pas l'informaticien qui fait les outils, mais il le fait à un moment donné, il fait quelque chose pour que les outils fonctionnent, mais tout seul, il peut vraiment rien faire. Et c'est vraiment un outil qui a été fait et défini avec les chercheurs, donc ils passent beaucoup de temps avec moi pour définir ce qu'ils veulent, pour vérifier les résultats. Ça, c'est vraiment quelque chose qui leur prend aussi beaucoup de temps. Et quand je parlais du TAL, on aura le même problème quand on va travailler avec des communautés TAL, etc. Et c'est un travail qui est lourd et qui est difficile à faire, et qui en plus a des contraintes dans le temps, parce qu'il faut le faire à un certain moment, et c'est quand même très coûteux pour eux. Et ces outils de définition aussi, définir un outil, ils trouvent ce qu'on lui dit de chercher, quoi. Donc il faut quand même vérifier les résultats, et c'est quand même un travail lourd, hein. Vraiment lourd. Et ces outils sont surtout liés à des projets De plus en plus, là, maintenant qu'on a fait un petit peu les outils de base, qui sont un peu évidents quand on voit une transcription, on a tous un peu les mêmes idées, puis on aimerait trouver ça, on aimerait trouver ce qui se passe autour de quelque chose, qu'est-ce qui se passe, on aimerait retrouver une attestation, un champ lexical, etc. Donc, je ne dis pas qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, très très loin de là. Mais après, c'est vrai qu'ils sont souvent organisés autour de projets de recherche. On s'interroge sur un projet, on se dit, ben, finalement, on a que la PIM, il nous manque ça, il faudrait qu'on puisse aussi... trouver ces informations parce qu'elles sont intéressantes, ou trouver d'autres types d'informations peut-être plus générales. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup au niveau... Les projets viennent alimenter en outils et en données souvent les banques de données ou les plateformes. Je pense que pour vous, c'est peut-être un peu pareil. Suivant les travaux que vous avez faits sur SLO1, je pense que ça a aussi conditionné les outils que vous vouliez dans SLO2 aussi. Ou je me trompe? Non, il y a un peu un phénomène d'alimentation. Le projet CLF, je vais m'arrêter toujours au passage. Donc le projet CLF, c'est vrai que ça encourage la comparaison. Hein. Typiquement, c'est des données qui ont été faites pour être comparées. Donc l'appli, on a des interactions de nature différentes. Mais là, on a carrément fait du recueil dans l'esprit, vraiment dans l'objectif de comparer des aires géographiques. Ça va forcément amener des outils comparatifs, forcément. Ça va nous amener à développer ce genre d'études. Les premières études qui vont être faites sur CLF vont certainement porter sur des comparaisons et on va introduire de nouveaux outils, par exemple. Dans les autres questions arrivent, on a une petite Corvis. Oui. Ce que tu as montré, c'est accessible... Corvis sur Internet. Donc, retrouver ? Non, c'est pas retrouver. C'est WebIS, donc c'est à ce vidéo situé. Non, je n'ai pas la liste qui présente, mais tu as montré le diapo, non ? Ouais, le site, j'ai mis l'adresse, je me souviens plus maintenant. Et ça, c'était lié au financement Adonis de 2010, un peu comme ça, quand il y avait un appel à la position d'Adonis. Absolument, on avait donc. Et c'est ce qu'on a fait. Et qui s'est stoppé après, faute de crédit, si j'ai bien compris. Non, j'ai pas mis l'adresse, t'as raison, mais je vais te la retrouver, mais j'ai pas l'accès à Internet. Non, c'est pas grave. Voilà. Mais si tu cherches Corvis et Adonis, tu devrais le nom. C'est ça, c'est que j'ai cherché Corvis et Adonis et tu ne trouves pas. C'est un site qui est ouvert, hein. C'est peut-être Corvis de vidéos situées. Tu reconnais le... Ouais. T'as un menu en fait sur la partie droite et tu as le TGA Adonis. Ça c'est vraiment une copie d'écran. C'est pas trop orienté, e-carte. Ah, parce que c'est souvent... Il y a 36 e-carte de Corvis Adonis. Il y a 4-5 documents dans Adonis. Qui parle de vidéos situées et tu n'es pas tombé sur le monde, d'accord. Non, le site est vraiment en ligne et les résultats de l'enquête aussi. C'est aussi quelque chose de très intéressant. En particulier pour voir les autres disciplines qui travaillent aussi avec de la vidéo. Ça va, mais c'était une toute petite question. Je disais qu'il y avait la question des outils était aussi en lien avec l'interface en lien avec les différentes communautés d'utilisateurs. Oui. Vous avez un peu de ressources. Oui, absolument. Des utilisateurs qui utilisent l'appli. Oui, on a par exemple les gens du monde de l'écrit qui vont utiliser, et pour eux, par exemple, leur vocabulaire n'est pas toujours le même que le nôtre. Et quand eux vont parler, par exemple, de répétition ou de segments répétés, ils n'entendent pas forcément la même chose que nous. Ou alors, eux vont avoir du mal à trouver certaines formes orales. On a, par exemple, des gens qui vont nous envoyer des messages en disant, tiens, on a cherché ça, c'est bizarre, vous n'avez pas des attestations de ce mot, parce que nous, il n'existe pas dans cette forme-là, ou il n'existe pas de cette manière-là. C'est un petit peu la raison pour laquelle on avait travaillé un peu sur l'aspect des lèvres aussi. Ou bien on a des gens donc, qui vont aussi travailler, qui ne sont pas forcément dans l'interaction. Et parfois, nos données, ils ont un petit peu du mal à... Par exemple, je ne sais pas, la tournée de facteurs. Si on parle de tournée de facteurs, on peut imaginer un tournée... Enfin, pour nous, ça nous parle un petit peu parce qu'on est tout de suite orienté interaction. Donc, on se doute que dans cette même interaction, ou bien les bureaux de tabac, on va avoir une personne qui va dans une interaction commerciale, enfin avoir plusieurs achats à gérer, etc. Pour des personnes, ça pourrait être des bouts d'enregistrement différents regroupés. Donc on a une organisation des données qui n'est pas forcément que les gens ne perçoivent pas de la même manière, parce que nous on travaille tellement dans les interactions qu'on a une petite idée, alors qu'eux peuvent en avoir une différente. Il faut quand même bien leur expliquer que dans une interaction donnée, on aura plusieurs situations qui vont se répéter, par exemple, typiquement les achats dans le commerce, ou bien une interaction beaucoup plus longue, un message comment l'enregistrement est fait. Sinon, quand ils vont faire des requêtes, ils ne vont pas bien comprendre ce qu'ils obtiennent. Une grosse question. Tu as dit à un moment donné que vous ne gardiez pas de données sur les personnes, de données personnelles. Oui. C'est vraiment une question de méthode de fond. Vous pensez que, enfin je dis ça de façon, vous pensez que l'observation stricte de l'interaction va suffire à reconstituer l'ensemble des données sociales sous-jacentes à la réalisation de l'interaction? Alors, nous, on n'est pas dans une... Oui, je comprends les préoccupations plus orientées sociolinguistiques, comparativistes, enfin, comparaison, etc. Donc, c'est vrai que nous, on est un petit peu moins là-dedans pour des raisons... parce qu'on... En fait, par exemple, dans le campus peut-être de jeux vidéo, je peux peut-être prendre celui-ci, hein, il s'agit de jeunes dans deux régions différentes qui font un jeu aussi de foot. Je suis vraiment nulle, je ne peux pas dire la différence entre ces jeux, mais c'est des jeux très similaires. Et c'est vrai que nous, les données que l'on va avoir concernant ces locuteurs vont être certainement des données moins importantes que ce que vous, vous avez l'habitude de recueillir. Par exemple, on va avoir une région lyonnaise sans connaître le lieu exact pour aller faire une anonymisation parce qu'on ne souhaitait pas le spécifier, par exemple. On va avoir l'âge des locuteurs, on leur a donné un pseudo, on leur a donné la langue maternelle, ça par contre pour nous c'est important, natif, non natif. On va dire en scolarité, mais par exemple on ne va pas dire depuis quand forcément, parce qu'on n'a pas toujours l'information. Donc c'est vrai que les informations que l'on a sur les locuteurs sont certainement beaucoup moins précises et beaucoup moins complètes que les informations que vous pouvez avoir, vous, et dont vous avez peut-être besoin pour des recherches vraiment orientées sociolinguistiques. C'était l'objet un peu de ta question? C'est l'objet de ma question. Oui. C'est pas du tout, je ne suis pas en train de dire nous on fait mieux parce qu'on a plus de données, hein, qu'on fait d'accord là-dessus. Mon souci est de dire quelle peut être la validité, au sens de la portée de validité d'une observation d'interaction pour laquelle on ne dispose d'à peu près aucune information strictement minimale sur les personnes qui sont dans l'interaction. C'est une oui, c'est vrai. Alors nous, en fait, ce qui va plus nous intéresser, c'est l'usage qu'ils font de la langue. Mais on ne va pas rapprocher l'usage, on va rapprocher peut-être l'usage de la langue à un âge. On va pouvoir peut-être comparer si on l'utilise de la même manière. On avait fait, par exemple, une fois sur quelques mots qu'on attribue à la langue des jeunes. Enfin, on entend plein de choses quand on présente notamment nos données à un public un petit peu large. On a chaque fois quelqu'un qui pose la question, mais maintenant les jeunes ne parlent pas du tout comme nous, donc ça vous avez droit aux mêmes choses, je pense. Donc nous, l'âge nous intéressait par rapport à ça et l'année de recueil, mais c'est vrai qu'on ne va pas beaucoup plus loin. Et on a même des endroits où on va même moins loin, parce qu'on a par exemple des corpus de visite, on a un groupe complet, et on va pouvoir recueillir les caractéristiques de chaque locuteur. Déjà, les gens acceptent d'être filmés, sont d'accord pour être filmés, mais on va même avoir énormément de mal à demander pour chacun d'entre eux leur métier, leur âge. Ça va être très difficile. On a certains corpus téléphoniques où même parfois on a un peu des doutes sur le sexe de la personne que l'on entend. On a des voix qu'on identifie très facilement comme féminine ou masculine, des fois c'est moins évident. Donc on va avoir. On n'a pas d'exigence par rapport aux locuteurs effectivement qui sont enregistrés. Et on peut très bien, dans situation, on est en scolarité, pour nos architectes, on connaissait leur profession, mais on a parfois des professions qui peuvent être inconnues ou non spécifiées. Et des âges, on a parfois des fourchettes même d'âge adulte en gros, et on n'en sait pas beaucoup plus parce que c'est une interaction au téléphone et on n'a pas l'âge de la personne enregistrée. J'ai pas répondu. On a encore le temps d'une ou deux, trois dernières questions, mais ensuite les sunlights vous attendent. Et tu disais aussi sur la taille de la base de données qu'il y avait un système multivirus, donc il y a 150 heures, puis il y a 50 heures qui sont inventées, 50 heures interrogeables. Oui, un tiers interrogeable à peu près. Et 23 heures téléchargeables, donc c'est bien multivirus, c'est-à-dire que les 23 téléchargeables, elles font partie des 50. Pas forcément, on peut avoir des données qui sont téléchargeables mais qui n'ont pas fait l'objet d'une transcription et qui n'ont pas été balisées en XML. Oui, parce que c'est ça, c'est des données brutes. Il y a certains corpus oui. Où on a des données brutes sans transcription. On peut avoir des données brutes effectivement sans transcription, on peut avoir une transcription qui n'est pas alignée avec le signal, qui a été fournie et que le responsable de corpus veut bien diffuser sans problème. Mais nous, pour que nos outils, donc nos outils cherchent aussi dans, à quel moment de la, enfin, ont besoin de l'alignement avec le temps, ne serait-ce que pour restituer le signal correspondant. Donc on a besoin de données alignées, on a besoin de données qui ont été vérifiées quand même par l'équipe médiathèque. Donc on a une reconnaissance automatique des conventions de transcription, parce qu'on a vu qu'on a des différences d'un transcripteur, donc on gère différentes conventions de transcription. Donc on a une reconnaissance automatique, mais qui passe derrière quand même par une phase manuelle. On a quelqu'un chez nous qui valide le verbal qui a été identifié dans les transcriptions et qui voit par exemple s'afficher les nouveaux, enfin les mots qui sont nouveaux, qui peuvent être tout à fait nouveaux. Hein. Corpus d'architecte, il y a un vocabulaire métier à un moment donné qu'on n'avait pas jusqu'à présent, par exemple. Mais la personne valide, donc c'est une phase de validation, c'est quelque chose qui est plus lourd et là on n'a pas pu le faire sur les 150 heures de disponible. Ce n'était pas possible. Et en termes de logiciel, il y a CLAN, PRAT, ELAN. Oui, on a aussi des transcriptions qui sont en Word, hein, des transcriptions anciennes qui sont en Word qui ont été alignées après par la suite. Ah, donc, on a eu, on a même des transcriptions qui ont été délivrées en PDF par certains responsables de corpus. Enfin, on a un peu de tout. Hein. On a aussi des transcriptions en partition qui datent de, qui sont enfin qui sont manuscrites, etc. Donc on a vraiment eu des données assez variées. Bonjour, juste une petite question sur les outils que vous avez développés pour les répétitions et répétitions. Oui. Vous avez accès, si j'ai un peu, c'est dans le cadre d'un projet spécifique, vous avez accès développement d'outils sur la saisie des effets. Voilà, c'est la limitation pour nous, c'était un locuteur qui imitait quelqu'un d'autre. Donc qui répétait. Donc il n'y a pas d'outil qui saisirait le même genre de répétition, mais en auto-répétition. Si, alors on l'avait fait au départ. En fait, l'outil de répétition qu'on avait fait au départ, c'était un locuteur, typiquement, répète, ça répète pour insister, ben, un enseignant, typiquement, mais pas que, hein, on répète beaucoup, en fait, même nous-mêmes, hein, si on prenait. Donc on répète pour expliquer quelque chose, on répète parce qu'on n'est pas d'accord, on répète pour plein de raisons différentes. Et en fait, on a cet outil qui au départ avait été fait, mais déjà, on avait déjà isolé ce qu'on appelait nous auto-répétition, répétition par le même locuteur, de la répétition d'un autre locuteur. Et c'est dans le cadre d'un projet qui a concerné l'imitation, où là, on s'est focalisé sur qu'on imite quelqu'un d'autre, on ne s'imite pas soi-même. Donc on s'est focalisé sur l'hétéro-répétition, on a essayé de le prendre comme un phénomène complet et de voir comment si on pouvait. Les outils qui permettaient de saisir les répétitions chez un même locuteur sont pas aussi élaborés que. Parce que je pense par exemple à l'outil qui sert à détecter les intrus. Oui. T'as un segment, mais. Oui. Dans le même segment, on n'a pas pris en compte les intrus. Dans le même segment, oui. C'est vrai. Est-ce qu'il y a ça pour des répétitions, des auto-répétitions? On l'a pas intégré dans les auto-répétitions. On pourrait le faire, on n'avait pas, on l'a pas repris en intégrant ces paramètres-là, effectivement. Que ce soit l'ordre, que ce soit. Dans le cadre de nos recherches, vraiment, je vais travailler là-dessus, mais ça aurait été exactement ce genre d'outil qui m'aurait servi. D'accord. Mais c'est encore, mais que. Moi, c'est vrai qu'on pourrait. J'avais accès justement sur les auto-répétitions. Oui. Et pas sur les répétitions de petits flexibles, les uns les autres, typiquement. Des particules ou ces choses-là, mais justement sur les quasi-segments avec les infos et les données observées, donc ce que ça faisait. Et toi, c'était longtemps après la personne qui revenait, c'est ça qui essayait d'avoir. Non, la même personne qui l'utilise dans deux segments avec deux noyaux prédicatifs. D'accord. Et les quasi, le même quasi-segment avec des modifications, et ça peut. Alors, c'est bon. Oui, ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on le reporte parce qu'on veut le faire. Ça peut être une formulation. Oui, oui. Des tas de choses. Ouais. J'ai fait ça vraiment. Ouais, c'est pas si évident hein, quand non, on. Non, c'est pas si facile. Même ça, du même, corpus. Hein. Non, on va le reporter parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et j'avais une autre question, mais je ne sais pas si tu as même de en parler. Tu as parlé de plusieurs projets. Oui. Donc, des petits projets de recherche. Notamment un, mais les questions de reprise par des relatives. Ah oui, alors ça, c'est quelqu'un qui va travailler là-dessus et qui nous a. Une doctorante avec qui on a signé une convention d'échange. Je dis on, mais c'est pas moi. qui signe les conventions d'échange et qui nous a donné très gentiment son sujet de thèse. Elle veut travailler, c'est une thèse qu'elle veut faire sur justement les. Alors écoute, je peux par contre faire suivre pour te, si le sujet t'intéresse, pour que tu puisses avoir sa présentation. Moi, je vais pas travailler directement avec elle, donc je suis effectivement absolument bien incapable de te renseigner, mais pour voir ce qu'elle veut faire autour de ses relatives. Mm-hmm. Oui, sans problème. Oui, je lui donne ce que je vais entrer dans le tour. Je peux t'envoyer ses coordonnées si tu veux la contacter sans souci. Bon, alors, ça aussi. Je sais pas si. Enfin, ce qu'il en vient de. Ce qu'on va comprendre derrière, reprise par les relatives. Oui, elle nous avait envoyé son sujet qui était un peu plus long. C'est vrai que j'ai voulu le mettre dans le PowerPoint et je l'ai peut-être mis en version trop light du coup. Alors ça, c'est aussi un gros problème. Je ne sais pas si vous avez la même chose. C'est qu'on a énormément de mal. Autant c'est facile d'avoir une trace des outils, de voir que quelqu'un a fait une recherche sur tel ou tel mot ou tel outil de requête. Ça, c'est très, très facile de faire des traces et de voir ça. Autant avoir en retour des études qui ont été menées par les étudiants ou par les équipes avec qui on travaille ou par les personnes avec qui on signe des conventions, ça c'est super difficile. Et on sait que nos données sont utilisées, mais on ne sait pas jusqu'où la personne a été, le type de résultat qu'elle a obtenu, voire qu'elle n'a pas obtenu, parce que pour nous c'est tout aussi intéressant. Ça veut peut-être dire qu'on veut faire quelque chose pour qu'elle les obtienne plus facilement. Et les gens, en fait, on a beaucoup, beaucoup de mal à recueillir ces informations. On a parfois des étudiants qui nous envoient leur mémoire, alors ça c'est formidable, qui nous envoient des choses, mais c'est malheureusement pas la majorité des cas. Et la plupart du temps, on signe une convention, les gens téléchargent des données, et après, on ne sait pas du tout. Ça pourrait être intégré éventuellement en recherche. Oui, on le propose ça. Dans la convention. Des données, par exemple, oui. Dans la thèse. Et il faut que je détruise des données, je n'avais pas le droit de les mettre en tiers. Mais parce qu'on est resté en contact, parce que j'étais en contact avec un cadre qui a donné ma thèse, mais sinon, j'avais pas de. Oui, voilà, oui, parce que l'étudiant fait tellement de choses que. Voilà. C'est vrai, dans l'institut, c'est vrai que souvent je pensais que je suis vraiment reconnaissante d'avoir obtenu des données, des enregistrements qui sont super précieux. Oui, oui. Oui, je crois qu'on n'y pense pas en fait. Les gens utilisent. C'est vrai que ça aussi, il faut que ça rentre un peu, je pense, dans les habitudes des uns et des autres, de rendre. Mais quitte à ce que la réponse soit tout simplement, mais j'ai pas pu utiliser vos données pour telle ou telle raison. C'est tout aussi intéressant de savoir pourquoi une personne n'a pas pu mener ses travaux avec nos données. Ou bien votre outil, j'ai jamais réussi à m'en servir, ou bien il n'était pas suffisant, ou bien j'aurais besoin de telle ou telle fonction. On a très peu de retours de ce type. C'est vrai. Oui, c'est intéressant, puis ça pourrait être aussi un endroit où l'étudiant pourrait être cité, c'est toujours la même chose d'être cité quelque part, et puis surtout donner aussi un exemple pour d'autres. Voilà ce qu'on peut faire, quelques exemples, même si ce ne sont que des exemples, et ça ne peut pas forcément être applicable à tout le monde, mais voilà le type d'études qui peuvent être menées, parce que c'est pas forcément intuitif. Moi j'avais une petite question, moi, tu as montré les requêtes qui pourraient se faire sur les différents types d'interactions, ou genre d'interactions. Oui. Ils ont repéré interactions construites. Oui, alors on a eu une enquête qui avait été faite construite, qui était sur la mode, je crois, enquête mode, on posait des questions. Ah ok. Qui est un corpus un peu historique, et donc nous on n'a pas voulu classer dans une interaction libre, parce que même si la personne répondait ce qu'elle voulait, elle avait quand même une question, et chez nous c'est pas de l'interaction à proprement parler. On a aussi un corpus un corpus d'apprentissage, avec de jeunes enfants qui parlent et qui racontent l'histoire de la grenouille. Vous connaissez peut-être ce corpus par ailleurs. Bon, pour nous, c'est pas vraiment de l'interaction. Pour nous, il y a un côté construit dans la mesure où l'enfant parle de l'histoire de la grenouille. Donc, ça peut être on l'a classé tout de suite là-dedans. Le premier, c'est celui où il y a deux personnes ensemble dans une salle, on a dit vous avez discuté de la mode maintenant. Voilà, et par contre, ils sont en. Voilà, qui est un corpus un peu historique, donc on a quand même voulu le garder. Et voilà. Par contre, c'est un peu une alerte que l'on met, attention, c'est pas vraiment une. Enfin, c'est pas vraiment. Intéressant, historiquement. On a préféré le stipuler que c'était un contexte qui était pour nous pas complètement naturel. Et moi, j'ai une question là. Tu disais à un moment qu'en fait, quand vous parliez de fréquentation du site, des usages du site, que finalement, tu étais un petit peu déçu. La plupart des requêtes en termes d'utilisation du site, c'était sur le compréhensible. Avec le compréhensible, le lexique, et puis on a aussi dans des requêtes manuelles qui sont faites, donc des gens qui vont voir le détail, donc ils arrivent sur le kit concordancé. Mais par exemple, sur les spécificités de l'oral, on a quelques requêtes, mais 30% c'est déjà pas si mal, hein, c'est une requête sur 3, mais c'est pas non plus une requête sur 2. Quelles sont les interrogations ou les pistes sur qu'est-ce qu'on veut faire pour rendre ces Je pense aussi que le lexique, c'est une façon facile d'attraper quelque chose. Donc, par exemple, quand on parle de phénomènes complexes, de séquences, de listes, souvent on pense tout de suite tiens, une liste a appuyé quelque part, un conflit, c'est peut-être des négations, c'est peut-être je ne suis pas d'accord, c'est peut-être le mot accord, c'est peut-être. On a tendance aussi à attraper de façon intuitive un phénomène complexe avec une partie lexicale parce qu'elle est plus intuitive. Donc aussi, c'est une façon d'entrer, c'est une entrée qui est peut-être plus facile. Oui, mais là, on s'inscrit à ce qui est une des choses particulières aussi de cette base de données, c'est qu'en plus, on a affaire à la plupart du temps à des données digitales. Mmh. Donc c'est vrai que, du coup, je me disais, est-ce que ça veut dire que c'est bon, c'est des outils différents aussi pour pouvoir interroger les aspects vraiment multimodaux qui sont extra-linguistiques. Comment justement pas tout ce qui est exploration des regards, oui. Des postures, etc. Oui. Est-ce que ça c'est utilisé Alors ça, on n'a pas de requête aujourd'hui encore multimodale, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas des transcriptions multimodales que nous avons, on correspond souvent à des extraits très très courts, des séquences très courtes où on va étudier le regard, on va prendre par exemple quelques minutes d'une interaction. On va étudier de façon très très pointue tout ce qui se passe au niveau multimodal pendant ces quelques minutes. Donc ça va être très très dense en termes d'interaction. C'est assez compliqué à faire pour des outils parce que là on n'est plus dans une jolie petite approche XML avec un début et une fin. Les portées se croisent, on regarde, le geste et le regard ne se correspondent pas, donc il faut qu'on gère la partie portée et on n'a pas encore mis en ligne et on a commencé à travailler, on a quelques maquettes, on a fait des premières recherches un peu exploratoires autour de ces outils. Portant sur la multimodalité, mais on ne les a pas mis en ligne. Par contre, on a des outils, par exemple, qu'est-ce qui se passe autour d'une pause, qu'est-ce qui se passe dans des tours brefs, on s'était posé la question. Il y a beaucoup, beaucoup de tours très brefs dans les interactions, à quoi est-ce qu'ils servent? Donc c'est aussi une ressource, pourquoi on intervient pour juste peut-être acquiescer pour plein de choses, et donc on s'était posé des questions là-dessus. Donc on a des outils qui permettent d'attraper assez facilement ce genre de choses, mais on se rend compte que les gens attrapent plus le lexique, travaillent d'abord sur le lexique. Ils ont peut-être une collection, après ils affinent, ils vont chercher un peu ce qu'il y a autour. Mais leur point d'entrée, quand même, dans la majorité des cas, ça reste l'approche lexicale. Vous avez noté aussi que les outils de chiffres numériques que vous avez élaborés sont difficiles à utiliser. Hein. Comment ? Ils sont difficiles à utiliser, non ? Non, mais aussi, ça a été élaboré en collaboration avec des chercheurs, oui. Plus précis. Oui. Ces chercheurs-là, je cherche, ne sont pas longtemps. Ça, c'est vrai. C'est assez difficile en fait de faire un outil pointu qui attrape quelque chose de vraiment très très intéressant pour nous et de faire quelque chose de pas trop difficile sans faire une botte noire, on sait pas trop, ça c'est vraiment nous, on a beaucoup de mal. Donc cette réflexion aussi sur les outils, on l'a menée en particulier avec, on a travaillé en particulier avec Arnaud Tiberman. Et puis Johannes Wagner aussi au DNC. On est vraiment intéressé par cette thématique parce que je pense que c'est vraiment des avancées très très importantes qui permettent justement de ne pas voir l'oral comme juste du verbal et qui sont quand même assez difficiles à mettre en œuvre. Et je me dis que ça doit être terriblement difficile pour un utilisateur distant en plus. Et lui n'a pas participé à nos discussions, n'a pas forcément puisqu'il n'est pas dans le projet et on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est vrai que c'est un peu décourageant quand on arrive avec des paramètres de partout et on se dit mais pourquoi c'est aussi compliqué, c'est pas toujours facile de comprendre, on sait pas trop comment le rendre un peu évident quoi. Ouais, il va falloir que nous arrivions. Merci pour cette intervention. Merci à vous.